matinale, premier mot, premier ils sont champions de France. Bagarre. Et où la bataille était le mal. La bataille le mal, ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport and Chill. C'est la saison 3, épisode 13 aujourd'hui. Non, épisode 14, je me suis trompé sur ma fiche. Épisode 14 aujourd'hui. Et émission très spéciale à la fois parce que c'est la dernière de l'année 2017, évidemment. Et que nous avons une émission spéciale quiz ce soir avec... avec différents sports, pardon, vous le verrez. Et surtout parce que j'ai quasiment tous mes chillers ce soir autour de la table. Ça fait beaucoup de monde, un peu de pression là. Mais bon, il manque quand même Sylvain qui n'est pas là ce soir, Anthony qui arrive bientôt. Et on passe le bonjour surtout là. J'ai eu Kéké au téléphone tout à l'heure, donc lui passe le bonjour. Et qui nous écoute. Voilà. Donc ce soir, nous serons avec donc Yacine, Guillaume, Dimitri, Tim, Théo, Vincent, Thibaut et donc Anthony qui arrive. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Et on va aujourd'hui parler donc de sport, on va parler de tennis, de NBA, de rugby, cyclisme, autre sport donc qui comprend la boxe, le hand et les sports mécaniques, et on finira par le football où tout le monde jouera au quiz football. Évidemment. On fera pas de résultats aujourd'hui du coup puisqu'on n'aura pas le temps du tout d'en parler. On aura pu parler de finalement du hand féminin hier. Ouais, Dijon qui gagne 3-0 aussi. On aurait pu parler de beaucoup de choses, hein. Dijon qui gagne 3-0. Ouais, de la débâcle du MHSC, on aura pu parler du futsal qui ont gagné, etc. La belle victoire de Tony Oka face à un illustre inconnu. du coup voilà, on s'excuse aussi pour les autres sports qu'on fera pas ce soir parce qu'on a fait les sports un peu plus majeurs. Désolé, entre guillemets. Il y aura pas de curling ce soir. Donc surtout en France où on a plutôt des athlètes qui sont connus pour d'autres sports, hein, Fourcade, Amboise-Bosse, Monmaier, etc. Mais bon, on en parlera pas. Hein. Tout comme les sports d'hiver où on parlera début d'année prochaine, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec. On voulait faire tennis, mais on va commencer par la NBA jingle. Chiller. Et du coup, ouais, vous l'avez. C'est bon, ce son. Il est magnifique ce jingle là. Bah, c'est moi qui l'ai fait en. Ah, j'aime beaucoup. En deux speed. Et j'ai mis Kobe Bryant pour Thibaut évidemment. Qui c'était un truc de Spice Jam au début. Une base. Voilà, donc on verra les autres jingles par la suite. On va commencer tout de suite avec le quiz NBA. Tu peux mettre une petite musique stressante comme d'habitude. Ah non, je perds les moyens. C'est à cause de ça que je perds chaque fois. Et donc ce soir, pour le quiz NBA, on a Team Théo, Thibaut, Guillaume et Dimitri qui jouent pour celui-là. Première question. Rapidité. C'est maintenant. C'est sur l'année, hein, donc ça remonte des fois loin. Vas-y, enchaîne. Le All-Star Games a vu la victoire de l'Ouest 192-182 sur l'Est. Qui étaient les entraîneurs des deux côtés? Steve Kerr pour l'Ouest. Steve Kerr. Et à l'Est. Brad Stevens. Théon-Lo. Qui ça? Brad Stevens. Brad Stevens. Bien joué. Brad Stevens pour l'Ouest. Donc Thibaut et Guillaume, un point chacun. Si je vous dis donc finale de NBA. Attention, rapidité. Et le chiffre 7. Le match 7. Les Warriors? Non. Ça concerne un joueur. Ouais, c'est un numéro de joueur. Un LeBron. LeBron. Explique. 7 d'affilée. Voilà. 7 finales d'affilée pour LeBron James. Donc en finale de NBA, 4 avec les Heat. Allez. 2 victoires, 2 défaites. Et 3 avec Cleveland. 1 victoire et donc 2 défaites avec cette édition de 2017. Il est à moi ce quiz. Contre les Golden State. J'allais chercher le mental celui-là. Qui, à moins que. Rapidité. Qui était élu rookie de l'année en 2016-2017. Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon. Dimitri, tu vas pas gâcher la fête, hein, je te le dis. Ça va prendre la bière. Il y a les ultras qui arrivent, etc. Ça va prendre la bière, je te le dis. J'ai, oui, Anthony qui arrive avec nous, qui peut prendre une chaise d'ailleurs. Et qui fait comme jamais. Hein. Très beau bonnet d'ailleurs. Donc voilà, Malcolm Brogdon des Bucks de Milwaukee. Quelle est la particularité de cette distinction cette année-là? C'est la première fois que c'est pas un joueur du premier tour qui a été élu. Du premier tour c'est de la draft. C'est possible, mais c'est pas ça que j'ai noté. Ouais, parce que j'ai pas entendu la question. Mais c'est fort possible. Quelle est la particularité de cette distinction cette année-là? C'est pas le record de jeunesse, non? C'est la première fois que. C'était que pas un titulaire, si. Non drafté? Non, non. C'est la première fois. Pas issu de l'université américaine? Non. Non. Non. Je le dis, celui-là. on donne notre langue au chat. Alors, finalement. Malcolm n'a jamais été élu rookie du mois. C'est le genre de Bordeaux. Ouais, ce que j'allais dire, moi, c'est il fait du foot. Donc c'est mais il a quand même gagné la distinction de l'année. Donc le Camerounais, par exemple, Joel Embiid, je sais pas si je le prononce bien, qui a gagné 3 fois à l'Est, par exemple, là, je l'ai pas reçu, alors que du coup, Malcolm Brogdon l'a jamais gagné au moins, même pas un mois. Quoi. Comme quoi, voilà. J'ai absolument rien compris sur cette affiliation. Nouvelle question, du coup. Alors qu'il va falloir, il faut avoir fait maths sup pour la comprendre, celle-là. Rapidité, toujours. MVP de l'année, donc 2016-2017, a donc été Russell Westbrook. Yes. Depuis la création de ce trophée en 1955, 3 joueurs seulement ne sont pas américains. Qui sont-ils? Karim Abdul-Jabbar? Non. Novitski? Ginobili? Non. Novitski? Novitski, ouais. Point pour Dimitri. En 2006-2007. Parker? Qui est allemand, du coup. Non. Non, Pau Gasol? Non. Oh, Pau Gasol, c'est pas mérité, tu vois. Olajuwon? Oui. Putain, j'ai failli le dire. Joli. Ah, j'ai failli le dire. Hakim Olajuwon, nigérian. Non, elle est belle. Donc 93. On voit les connaisseurs ici. Et il y en a un qui, le dernier, est connu quand même. Dernier qui est connu, finalement. On en a parlé quand la. Steve Nash. Steve Nash, en effet. Oui. Oh là là, ce mental d'acier. Canadien, donc il a gagné en 2 fois, donc 2004-2005, 2005-2006. Ouais. Il célèbre, il boit sa bière du coup. Allez, bonne cette gorgée. La rapidité, hein, la première, le premier qui suis-je de la soirée. Donc, joueur NBA américain né le en octobre 1977. Je suis passé, j'ai commencé ma carrière dans la franchise la plus titrée de NBA. Avant de partir dans la moins titrée de NBA, je fais une pige dans le club de la capitale avant de partir en Californie. Mes meilleures années remontent à loin avec une moyenne de 26,8 points. Chatel Non. Non, mais que 8 points par match en 2005-2006. On me surnomme The Truth, la vérité. Paul Pierce. Qui s'est gagné Paul Pierce? Putain, ce club. Ah, putain. Paul Pierce. Bon outsider, quand même. Et mon nom est associé à une joueuse de tennis française. Marie Pierce. Après un dernier match à domicile avec les Clippers en 2017, il annonce qu'il prend sa retraite à l'âge de 39 ans après avoir signé symboliquement aux Celtics de Boston, son club formateur. Je suis Paul Pierce. C'est you, Paul Pierce. Hein. Bien joué. Durant l'année 2016-2017, un Français est élu meilleur contreur de l'année. Qui c'est? Rudy Gobert. Rudy Gobert, encore point pour Thibaut, à qui enchaîne sur ce coup-là. Rudy Gobert avec les Utah Jazz. Ah, il est incisif, balle au pied. Ça dribble bien avec la balle. Il a pas bu de bière, il est plus réactif que moi, c'est sûr. Attention à la reprise de drift quand même. Une autre question. Rapidité. Quel joueur a été drafté en premier en 2017? En 2007? 2017, là. Ah, 2017. Markel Fultz. C'est ça, Markel Fultz. Il a drafté aux Sixers de Philadelphie. Ouais. Il va l'avoir, je pense. Il va être rapide. Il va l'avoir, la bière très dans la rapide gueule, aussi également. Frank Ntilikina est drafté en 8ème place. Ah. Raté. De quel club venait-il? Strasbourg. Cholet. Strasbourg. Ah, oh là là, mais... cette capacité à rebondir. J'existe pas, mon ami. Tu joues en plus. Vous ferez gaffe, il y a Jérémy Morel qui participe. Là, c'est un qui suis-je également. Mais vous avez... Les gars, c'est un qui suis-je également sur celui-là, mais vous avez le droit qu'à une seule réponse, d'accord? Ok. Yes. Franchise de NBA. Au palmarès assez faible. Je n'ai qu'un titre en NBA, cela date de plus de 30 ans. La salle où je joue porte le nom d'une célèbre bataille navale pour l'indépendance des États-Unis. Ah putain. Je réalise une très bonne draft en 2009 où je choisis un joueur très talentueux qui n'est malheureusement plus dans la franchise. En 2008, je change de nom de la franchise, ce qui provoque un coup de tonnerre. Pourquoi? Car ma franchise est rachetée et se déplace de ville alors qu'elle se situe à Seattle. Oklahoma City. Elle se déplace dans les Texas cette année 2008. Il est trop rapide. Est importante puisque c'est à ce moment que j'acquiers le MVP de l'année 2016-2017. Mes couleurs sont les bleu et l'orange. Je possède cette année le plus grand des grands noms comme Paul George, Carmelo Anthony, on en parlera tout à l'heure, ou encore Russell Westbrook. Je suis Defender d'Oklahoma. J'ai essayé de faire une petite dédicace. J'ai dit que ça provoquait un coup de tonnerre, tu vois. Defender, oui, tout ça. Ouais, bien vu. Personne l'a remarqué. Tu as vu l'année là-bas. Un peu largué au classement quand même, les Defender cette année. Ouais, alors qu'ils ont un big three quand même, c'est intéressant. Ouais, c'est du mal à prendre pour l'instant. Je mets point pour Dimitri aussi parce qu'il a répondu en même temps. Est-ce qu'il sera un jour? Dimitri et Thibaut qui prennent le point. Allez. Donc voilà. prochain. Bah c'était tout. C'était tout, tout simplement. La NBA, ouais, c'est ça. Donne nos résultats. C'est tout. Bon, j'aurais été sur résultat. Thibaut à 7 points. Yes, tranquille. Guillaume 4, Dimitri 2. Donc pour l'instant, pour le total, Thibaut, ça c'est beau déjà. Thibaut est bien parti et bon champion de NBA, Thibaut sur ce coup-là. Félicitations. Le rookie de l'année qui est là. J'espère récupérer la bague à la fin de l'émission quand même. Avec le goût de Steve Nash d'ailleurs. Et du coup, la parole est au tueur sur ça. On avait donc deux interventions. C'était tu peux commencer d'ailleurs, champion de NBA. C'était sur OKC d'ailleurs un jour. Ouais, moi c'est sur Carmelo Anthony. Si j'ai un petit coup de gueule à faire passer, parce que tu m'en assures. Carmelo, c'est fini. C'est le plus gros marqueur de la ligue il y a 3-4 ans. C'est un joueur qui était promis à une carrière énorme, et j'ai l'impression qu'il est en train de passer à côté de quelque chose d'énorme, parce qu'il n'a jamais été champion, il n'a même pas été en finale. Et là, l'année dernière, il se retrouve à mener les Knicks. Il fait ses stats comme il a su le faire à Denver, comme il a su le faire au début aux Knicks. Mais ça sert pas à grand chose, parce que la franchise elle est incapable de suivre. Et comment tu l'expliques que justement, je pense que c'était à lui d'être d'être le vrai leader, comme peut le faire Porzingis cette année. Non, mais pour revenir sur la performance de Carmelo Anthony l'année dernière, faut pas oublier que Phil Jackson avait prôné aux Knicks un jeu en triangle. Ah oui, c'est sûr, ils ont été incapables de le mettre en place. Non, mais les Knicks étaient fouillés l'an dernier. Moi, il aurait dû se barrer, quoi. Maintenant qu'il a essayé de partir, il se retrouve à OKC, justement. Lui, le MIP d'il y a 3 ans, il a le MVP de l'année dernière. Pour moi, et ça prend pas. Pour moi, c'est incroyable. Ça va prendre du temps. C'était un des joueurs les plus prometteurs, et pour moi, il n'y a que des mauvais choix de carrière pour l'instant. Là, il régresse, là. C'est constaté. Je pense qu'il va passer juste pour le son. C'est, à mon avis, je pense qu'il va louper le coche, et il peut s'attarder, et je pense qu'en niveau il va perdre aussi. Donc ce qu'il faudrait peut-être c'est qu'il s'efface un petit peu par rapport aux deux autres, qu'il soit, parce que là on a l'impression que il n'y a pas de leader vraiment. C'est trois gros joueurs, mais il n'y en a pas un qui va prendre la première option. Peut-être à la limite qu'il faudrait qu'il passe sur le banc, qu'il ait carte blanche en sortie de banc. Qu'on lui mette un peu de rivalité, ouais, peut-être. Et qu'il ait. En plus, André Robertson pourrait prendre sa place et apporter quelque chose défensivement que Melo est incapable d'apporter depuis 2-3 ans. Et là, il aurait en sortie de banc, il serait le joueur majeur de cette équipe pendant 12-15 minutes par match. Il permettrait à Oklahoma de marquer autrement qu'avec les 5 titulaires. Et ça pourrait apporter quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose dans cette équipe, parce que là, pour l'instant, t'as l'impression que c'est des stars qu'on a réunis, et puis on fait avec. Voilà, on a toujours dit pour Golden State que c'était magnifique ces trois joueurs-là, mais là, il faut qu'OKC réussisse à forger ce groupe. Faut pas oublier que Carmelo Anthony et Paul George sont free agents l'été prochain, et Russell Westbrook est le franchise player. Faut pas oublier que Russell Westbrook a fait une saison stratosphérique l'année dernière. Mais c'est juste le problème qu'on posait à Westbrook, c'est est-il capable d'amener une équipe entière. C'est pas un LeBron pour moi. On peut passer peut-être au prochain. C'est un coup de gueule aussi, non? Un coup de cœur. Un coup de cœur, c'était pour. Moi, j'ai un coup de cœur pour les Chris Paul. Comparé à le Suédois. Je ne connais pas. Celui-là, on ne le connaît pas. Chris Paul. Je connais Chris Paul par rapport à Fata Bazooka. Ça va que c'est les fêtes, parce que la blague. Je voudrais revenir sur Chris Paul, notre ami à LeBron James, qui est allé à Houston cette année. Et qui est toujours, depuis qu'il est à Houston, il a fait 14 matchs, 0 défaites. Houston a un bilan de 24 victoires et 4 défaites. Mais depuis que Chris Paul est revenu de blessure, tous les matchs qu'il a joué avec Houston, ils sont invaincus. On pensait qu'il allait se marcher dessus avec. James Harden, mais on voit que la mayonnaise prend. L'équipe, c'est un feu d'artifice à 3 points, comme les Suns de Steve Nash. Une défense. Solide avec Clint Capella, mention spéciale à ce joueur suisse. Et on pense que ce serait vraiment l'outsider pour aller battre les Warriors. Ok, très bien. Peut-être que quelqu'un voulait réagir sur le seul problème, ça sera de voir s'ils sont capables d'être bons défensivement sur cette match en playoff. C'est la seule chose qui peut leur manquer. Parce qu'en saison régulière, oui, il y en a des équipes comme ça qui peuvent... montrer un niveau très intéressant, tout ça, mais c'est souvent en playoff où on voit la différence. Et souvent, malheureusement, sur les dernières années, tu as toujours Cleveland et Warriors qui, dans ces matchs-là de playoff, montrent. Ils ont l'expérience et s'élèvent le niveau. Ça fait la différence. Puis, Même là, justement, Chris Paul et James Harden sont deux joueurs d'expérience, justement. Ouais, mais James Harden et Chris Paul, c'est pas forcément les deux plus grands défenseurs de la ligue. Ouais, et face à des joueurs comme Curry, face à des joueurs comme Thompson. Et en playoff, t'en as besoin de la défense. Sinon, justement, ça peut être un peu juste. Est-ce que vous avez vu un peu le banc des Rockets avec PJ Tucker, Luke Bamute? Il est bon. Je pense qu'il y a des joueurs. Mais Dimitri, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, comme tu dis, l'équipe, elle prend bien et tout. C'est très beau à voir. Il y a du banc et tout. Donc, pour un playoff, potentiellement ça devrait tenir, mais après voilà, on sait que c'est comme un peu le Real Madrid au foot, on sait que cette période là là au basket c'est les Warriors et Cleveland, ils ont cette espèce d'élévation, tu vois, où ils arrivent à monter au niveau, et comme ces équipes quand même sur les dernières années plus expérimentées, je les vois quand même encore favoris, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir le Houston en playoff parce que pour moi c'est un outsider très crédible cette année. Ok, très bien, on termine sur ça et on va pas tarder parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. On va passer au deuxième sport, c'est le jingle tennis. No mistakes so far in this match, right? You have an overall of 8. No mistakes whatsoever. Second serve, yes. Answer my question! The question, jerk! Il est suisse, Roger Federer. La parole est au chiller. Donc on passe tout de suite au tennis, vous l'avez écouté avec McEnroe qui nous a toujours pété un petit câble. Malin comme un singe celui-là. On va commencer donc petite musique de retour, petite musique stressante de retour je suppose. Par notre technicien, merci. Le meilleur Tom d'ailleurs, je lui passe le bonjour, petit coucou. Salut Tom. On va commencer avec une question Laver Cup. Rapidité, cette année donc a eu lieu la première édition de la Laver Cup entre l'Europe et le reste du monde. Quel joueur était le moins bien classé? Nishikori. Shapovalov. Non. Sok. Non. Ah non, c'est le Sud-Coréen, non? Non. Il est américain, je crois. Jung. Non. Tiafo. Donaldson. Frances Tiafo, oui. Voilà, Tiafo. Qui était 72e mondial à ce moment-là. Donc, premier point pour Vincent. Question générale, Grand Chelem. Rapidité également. Qui est la plus vieille ou le plus vieux à avoir gagné un Grand Chelem cette année? Double et simple. Martin Hingis. Martin Hingis, point. J'accepte quelqu'un d'autre. Le Brian? J'accepte quelqu'un d'autre qui est né la même année, donc j'accepte quelqu'un d'autre. Non, c'est pas les Brian. Martina Hingis qui est né en septembre 80, qui a gagné le double mix avec Jimmy Murray de Wimbledon et l'US Open. Et le double femme de l'US Open. Mais il y en a un autre qui est né en 80 aussi, qui a gagné un. Agassi? Non. Non, cette année. Ah! Salut. Oui, salut. Alors? T'as pas un petit indice là pour que. C'est. Sa nationalité? Ouais. C'est un indien. Un quoi? Bupati? Non, un indien. Leander Paes? Non. C'est Juan Bopana qui a gagné le double mix de Roland Garros avec la canadienne forcément, Gabriela voilà. Dabrowski. Ah ouais, mais il a gagné un grand chelem. Ouais. Ce qui est pas donné à tout le monde. Yes. Open Sud de France. Ah bah. Chano. Qui gagne l'Open Sud de France? Alexander Zverev. En double. Alexander Zverev et son frère. Qui c'est qui a dit Zverev? Aussi. Lui. T'as dit Zverev aussi? Ça m'intéresse pas moi l'Open Sud. Non mais Zverev ça, je compte je que c'est les deux. Je vise des sphères un peu plus donc, hautes. Donc point pour Vincent et point pour... il est où Anthony? Voilà. Je suis là. Le général Grand Chelem encore une fois. Rafael Nadal s'est incliné en finale de l'Australian Open en 5-7 face à Roger Federer. Cependant, cette année, ce n'est pas la seule fois où l'Espagnol est sorti en 5-7 de Grand Chelem. Face à Gilles Muller à Wimbledon, 16-14 en 8e de finale, 5e. Voilà. Papa steak, toi. J'ai l'impression que Vincent connaît mieux Rafael Nadal que d'autres joueurs. Ça m'étonnerait. Le problème, c'est que c'est dans une raquette de tennis, ça parle chinois sur le court. Quoi. Donc, hélas. Point pour Vincent. Quel match d'ailleurs. Gilles Muller. le Luxembourgeois en 8ème de finale de Wimbledon avec un dernier set impressionnant, 28 jeux, 15 à 13 pour Müller et 2h15 de jeu pour ce dernier set. C'est la 5ème fois de sa carrière que Nadal perd au 5ème set de Grand Chelem. Les derniers, donc, c'est l'Australian Open 2017, 8ème de finale de l'US Open 2016 contre Lucas Pouille, premier tour de l'Australian Open 2016 contre Verdasco et 3ème tour de l'US Open 2015 contre Fognini. Petite anecdote, il avait déjà perdu face à Gilles Müller en 2005 au premier tour à Wimbledon. Ouais, Nadal qui a du mal quand il commence à avoir Wimbledon. Question Wimbledon. Ah. Que s'est-il passé d'atypique au deuxième tour de Wimbledon cette année avec Daniil Medvedev? Ah oui, il a jeté des sous à l'arbitre, je crois. Ouais, point. Il a jeté. Le Russe a pris 15 000 euros d'amende. La commission lui reproche son attitude envers Mariana Alves, l'arbitre, lors de du deuxième tour contre Ruben. Moi, ça m'avait régalé, hein, j'ai pas peur de le dire. Medvedev avait notamment jeté des pièces au pied de la chaise en fin de match, estimant que l'arbitre avait été corrompu. C'est d'une arrogance. Voilà, donc point pour Vincent qui enchaîne. Question record. Roger Federer. Le record. Drôle, ça. Voilà. De William Renshaw. Et Pete Sampras s'était battu cette année pour Roger Federer à Wimbledon, les 8 titres. C'était Roger Federer en effet. Ah, quel est ce record? Le nombre de victoires à Wimbledon battu donc par Roger Federer cette année avec 8 victoires sur ce tournoi. Point pour Vincent. Record encore. Là, c'est loin d'être Roger Federer. Est-ce que vous savez qui c'est Hans Jaber déjà? Oui. Tennisman, woman, pardon, tunisienne. Est entrée donc à son échelle dans l'histoire du tennis à Roland-Garros. Pour quelle raison? C'est la première africaine c'est à avoir la première africaine à, enfin, c'est l'africaine qui a atteint le plus haut stade dans un grand chelem. Enfin, précisé. La première africaine à avoir gagné un match en grand chelem? Non, pas exagéré. Tu étais pas loin, mais. Atteindre la deuxième semaine d'un grand chelem. Mais moi, j'accepte pas le terme africain, c'est pas ça. Maghrébin. Tunisienne, maghrébine. Ouais, j'accepte maghrébin, j'accepte. C'est la première femme d'un pays arabe à être qualifiée pour un troisième tour de Grand Chelem. Attention, parce que pays arabe, c'est pas pays maghrébin. Ça sonne plus oui, large. Mais bon, il faut être précis. Ouais, je le veux. Ouais. D'accord, bon, merci. elle a battu donc Sibulkova au deuxième tour de Roland Garros, elle s'incline au troisième tour contre la demi-finaliste Tima Bajinski. Voilà. La Suissesse. Question Coupe Davis. La France s'est imposée contre la Belgique en finale de Coupe Davis. Cependant, c'est David Goffin qui s'est illustré sur cette édition. Comment? Il n'a pas perdu un set. Il n'a pas perdu un match. Fatalement, s'il n'a pas perdu un set, il n'a pas perdu un match. Ah si. Comment? Il peut avoir perdu des sets. Ouais. Oui. Il a perdu. Il n'a pas perdu de match. Donc 6 victoires à 0. Il a gagné contre Pouille, Tonga, Milman, Kyrgios, Sepi et Lorenzi. Ah. 6 victoires à 0. Il n'a cependant pas joué le premier tour. Donc, une autre question, petite bonus sur celle-là. Quels sont les 3 autres joueurs de l'histoire à avoir gagné leurs 8 matchs en Coupe Davis? Andy Murray, il y en a un, ouais, point. 2015. Rod, il le fait pas. Stan, peut-être? Non. C'est plus vieux les autres. Sampras? Non. Agassi? Non. Tentez les autres. Hein. Lever? Non. Björg? Non. Edberg? Non. McEnroe? Quoi? On va tous les McEnroe. Faire. McEnroe, les 82, il en reste un. Rosewall? Non. C'est l'année d'après, après McEnroe. Après 82. Vilander. Vilander, point pour Vincent et point pour Tim. Il reste deux questions. L'année 2017, donc c'est un tour de table cette fois-ci. L'année 2017 était l'année donc de Fédal, entre Federer et Nadal. Au total, 38 matchs se sont joués entre les deux. Quelle était la première confrontation entre les deux? Je veux le tournoi de l'année. Tu as levé la main, donc je t'interroge en premier. Attends, tu peux répéter du la question, s'il te plaît? Tu vas le dire, la réponse à tout le monde. La première... Ah, c'est vrai? Bah ouais. Ah bah non. Bah, t'as voulu lever la main, donc voilà. Ouais, quelle est la première confrontation entre les deux? Le tournoi et l'année. Mais entre qui? Du coup... Ah, Miami, pour c'était moi. C'était pas ça. Miami quoi? C'est l'année la première confrontation? Ouais, quelle année? Ah, mais la première de. Je comprends pas la. Première confrontation entre les deux. Pas de cette année. C'est dur. Ah ouais, mais précise aussi. Ah bah, c'est précisé. 38 matchs se sont joués entre les deux. Quelle était la première confrontation entre les deux? Tu veux l'année et le tournoi ou juste le tournoi? L'année et le tournoi. Vincent commence. Donc c'est à Miami en 2004. Il y a 6-3, 6-3 pour Nadal. L'année je l'ai pas, mais je vais dire Monte Carlo. Ouais, moi je dis Roland Garros en 2004 aussi. Non. Open d'Australie 2004. Miami 2004, en effet. À la surprise générale en ce moment, la victoire revient à Rafael Nadal face à Roger qui était déjà numéro 1 mondial. Et qui était blessé. Il perd tout de même. Federer reste tout de même sur 5 victoires d'affilée face à Rafa, rapidité. À quand remonte la dernière victoire de l'Espagnol? Open d'Australie 2014. Open d'Australie 2014. Demi-finale. Voilà, donc dans demi-finale de l'Australian Open. Vous l'avez fait ensemble le quiz, c'est pas possible. Ouais. Bah, mais bon, je suis obligé de parler de Federer sur cette année qui a fait une grosse année, Roger, donc j'étais obligé un peu de parler de lui. Et puis bon, je peux pas l'enlever quoi de cette année. Donc victoire de Vincent avec quand même 10 points sur ce coup-là. Tim a 2 points. On va en rattraper lui. Hein. Oh là. 10 points, donc Anthony a un point et Thibaut qui avait 7 points mais là n'a rien scoré sur le tennis. Bah d'ailleurs, on va passer à la parole aux Chillers. Tu veux commencer c'était cyclisme. Oui. Tim, tu veux commencer sur ouais, si tu veux, sur ton coup de ton coup de cœur. Je t'en prie. Moi, ouais, c'est un coup de cœur en symbiose. C'est Rafa et Roger qui ont survolé les débats cette année. Voilà, qui montre encore que ce sont les deux plus grands tennismen de l'ère Open qui montrent qu'ils ont une longévité incroyable. Juste pour faire un petit rappel, Nadal, c'est les deux qui se partagent les 4 grands chelems cette année. Rafa qui gagne Roland et l'US Open, il gagne Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Pékin, Shanghai, Miami, où il fait il gagne pas Miami mais il fait finale contre Roger. Et Roger où il gagne l'Australian, enfin il fait le triplé Australian, Miami, Indian Wells, ce qui est tout simplement énorme. Et ensuite il enchaîne avec Wimbledon, Shanghai, Bâle. Il y a rien à dire quoi. Ils ont aussi profité de l'absence de Joko et Murray, c'est une certitude, et de l'absence d'un trop faible top 10 pour pouvoir être contré. Mais il faut quand même souligner leur force d'abnégation et leur talent qui est intact, raquette en main et une capacité physique à aussi enchaîner les matchs incroyable. Peut-être quelqu'un voulait rajouter sur ça, peut-être Vincent ou Anthony ou Thibaut. Bah, c'est vrai que là, respect à ces deux grands champions quoi. Des fois on peut dire que c'est par défaut, on les imaginait pas forcément revenir peut-être à ce niveau-là tous les deux. Mais là, donc, d'accord, il y avait des absents et les outsiders étaient absents, les principaux. Après, les futurs espoirs du tennis qu'on cite depuis trop de temps, 3 ans, ouais, bah, qui fait ils finale. Confirment jamais en fait. Enfin, ils peinent en tout cas. Mais voilà, franchement, là c'est surtout dû au travail et au talent de Rafa et de Roger. Quoi. Donc respect à ces deux champions, franchement, quoi qu'on en dise. Quoi. Pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils ont été blessés tous les deux en fin de saison. Roger un peu plus longtemps que Nadal, mais ils se sont retrouvés en octobre, je crois, ou en novembre, à l'inauguration de l'académie de Nadal. Enfin, ils ne pouvaient pas tenir pas debout, ils ne pouvaient pas tenir une raquette et faire un match. Donc, du coup, voilà, ils avaient fait ça. Puis là, ils se retrouvent 2 mois après en finale de l'Open d'Australie. Et leurs choix sont payants parce que stratégiquement, c'est ils sont gagnants. Ils ont choisi de se retirer au bon moment pour rebondir. C'est ça. Pourtant, ils ont été critiqués. Enfin, pour Nadal, je sais un peu moins, mais je sais que par exemple, c'est vachement critiqué aussi parce qu'il avait justement de faire une coupure au moment où on pensait qu'il allait enchaîner. Voilà, mais pour sa blessure au genou, il pouvait pas. Pour Roger, par exemple, voilà, ça, on s'est dit, mais comment il va faire pour revenir à 35 ans? Puis finalement, il est revenu. Puis même dans l'année, ses choix de pas jouer sur terre battue, par exemple, ils se sont vachement avérés payants puisqu'ils gagnent Wimbledon derrière. Puis quand tu vois l'hégémonie de Rafa sur terre, je suis pas sûr qu'il aurait pu rivaliser. Je pense qu'il s'est dit direct, il avait suffisamment réussi l'année pour pouvoir se permettre de faire l'impasse sur terre. C'est ça, et puis c'est clairement pas un joueur de terre. Voilà. Donc les deux, ils ont réussi leur coup quoi. Ben oui, moi c'est bon pour continuer à ça, bien sûr, un grand respect envers les deux. Et puis moi surtout, outre les qualités physiques et techniques qui sont évidemment énormes pour ces deux champions, et surtout moi ce que j'admire, c'est ben voilà, revenir après une blessure comme ça à cet âge-là, c'est quand même, faut avoir une abnégation incroyable quoi. C'est là où tu vois que c'est des champions hors normes quoi. C'est vraiment, c'est des mecs qui on sent qui ont envie de jouer, qui ont la gagne aussi. Revenir, hein. Voilà, qui ont la gagne et comme tu dis, après ces blessures-là, on a vraiment l'impression qu'ils ont appris, ils se sont dit voilà, évidemment j'ai pas un physique d'un dieu, je suis pas sans limite, il faut que j'apprenne à gérer cette saison si je veux revenir au top. Et ils ont réussi à apprendre de ces blessures là et de revenir quand même au meilleur quasiment de leur forme, même si évidemment le top 10 était amoindri, les jeunes n'étaient pas encore là, mais eux ont eu une abnégation incroyable pour revenir quasiment au plus haut niveau, et ça c'est vraiment fort. Et puis c'est des joueurs qui mentalement ils sont exceptionnels, parce qu'on parle de la jeune génération, mais c'est aussi là-dessus qu'elle pêche, hein. Ils n'ont pas le même mental que les deux dont on parle depuis tout à l'heure. C'est peut-être ça où justement ils sont le plus forts, c'est que plus d'expérience, plus acquis. Ça fait des années qu'on annonce qu'ils vont prendre la retraite plutôt que les autres parce qu'ils sont cramés ou quoi. Enfin, Roger, les premiers qui ont dit ça, ça date de 2008, quand il a eu sa mononucléose et qu'il se fait dépasser par Nadal physiquement dans le jeu, tout ça. On dit, oh bah c'est bon, il a assez gagné, maintenant il peut partir. 10 ans après, ils sont encore là. Nadal, c'est pareil. Il a fait beaucoup de demi-saisons parce qu'il était blessé au genou, au dos, au machin. Puis à chaque fois, ils reviennent, puis à chaque fois, ils gagnent. C'est peut-être là où ils sont le plus forts, les deux. De se réinventer, de revenir et de... Peut-être plus fort même d'ailleurs que certains autres grands noms du tennis en ce moment, peut-être Djokovic ou Murray, peut-être... On va voir ce qu'ils vont faire. Oui. Voilà, si on peut avoir un souhait pour 2018, c'est peut-être du coup que Roger et Rafa restent au top, se maintiennent au top comme cette année. Et que les autres fassent un grand retour aussi. Avec un peu plus de compétitivité. Peut-être qu'on les verra moins aussi. Peut-être l'avènement aussi de la jeune génération là, qui est peut-être en train on de pousser. On dit ça chaque année, oui, mais... Dimitrov, peut-être non, qui a gagné le Masters. Je sais pas. Enfin. Dimitrov, c'est pas un espoir. C'est un espoir vraiment confirmé. Zverev, Chapeau Lavov, je pense qu'il va prendre des gammes. Pouille, il est encore très jeune. Ouais, Pouille, Maxi, il passe. Un petit espoir, quand même. Non, c'est une année importante pour Pouille. C'est ironique, là, qui, ou pas? Je fais la parfaite transition. Non, c'est pas ironique. J'arrive pas à savoir. Non, même si moi j'y crois pas tellement, c'est une année importante pour lui. Pour moi, c'est un vrai tournant dans sa carrière l'année prochaine. C'est une année importante. Il est encore assez jeune pour encore monter, mais faut y aller maintenant. La Coupe Davis peut faire comme avec Djokovic. Un petit tremplin, voilà. Ouais. Parfait. La transition est parfaite. Puisqu'on va parler de Coupe Davis et le deuxième coup de cœur, c'est celui de Noah, donc pour Anthony. Coupe Davis, oui. Enfin, plus large. Surtout, sur Yannick. Plus sur l'homme, ouais. Yannick Noah, ouais, voilà. Enfin, je pense bon, on peut ne aimer, ne pas aimer. J'ai pas tous ces CD. Hein, je suis pas fan. Mais voilà, enfin, je pense que il incarne quand même la gagne. Alors on critique souvent le sport français pour qui aime bien être deuxième ou qui aime bien perdre, qui aime bien les perdants. Mais partout, je sais pas. Après, on peut parler de, il y a toujours débat sur la génétique ou pas. Déjà, c'est une famille exceptionnelle avec son père qui était footballeur pro, son fils qui est en NBA. Ouais, c'est fou, ça. Et enfin, je pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans n'importe quel sport. Je pense qu'il a ce truc mental de transmettre la gagne. Alors ok, là c'était bon, si on prend l'exemple de la Coupe Davis, là c'était que contre la Belgique en finale, il y avait que Goffin à battre. Les tours d'avant, il y avait peut-être pas les meilleurs joueurs dans les équipes, mais enfin, on parle en ce moment de la Lever Cup et tout. La Coupe Davis, c'est quand même une compétition exceptionnelle comme ça dans un sport individuel. C'est beau quand même cet esprit collectif là. On regarde quand on voit la joie des Français quand même en finale, on les critique tout au long de l'année dans les tournois individuellement, mais là on voit vraiment qu'ils sont heureux d'être ensemble et de gagner ensemble, de partager ça. Et Noah arrive, je pense quand même, à transmettre ça. Alors pour rappel, il a réussi là où Arnaud Clément avait échoué. Il a quand même fait gagner pour moi, grande partie, on peut pas gommer ça, c'est pas que ça, mais la Coupe des Coupes au PSG en 96, parce que ça passait plus du tout entre Luis Fernandez et les joueurs cette saison-là. Deniso l'a appelé à la rescousse, et du coup, Noah a... on voit encore des reportages là où les joueurs disent que c'est grâce à lui. Oui, ils sont enfermés avec Noah et il a transmis ce mental. Puis c'est bien pour les joueurs français d'avoir un mental de gagnant, peut-être ce qui est un peu défaillant peut-être dans le tennis français. Il a une vraie légitimité. Ça peut lancer certains, on en parlait tout. On peut le critiquer, il est critiqué, mais à chaque fois qu'il revient à la tête d'une équipe de France de tennis, il faut se constater qu'il gagne. Quoi. Voilà. C'est quand même un des rares qui gagne et qui fait gagner la France à plusieurs reprises, quand même, dans toute sa carrière. Quoi. Ouais. D'ailleurs, en Fed Cup, ça a changé d'entraîneur, non? C'est Thierry Champion, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pas. Un nom prédestiné, peut-être. Ouais, voilà, peut-être. Moi, j'y crois pas du tout avec Thierry Champion. Il a pris 6-0, 6-0, 6-0 face à Bruguera, Roland Garros, Thierry Champion. Donc, il va encore gagner des points, c'est pas possible. Pas trop le... On va continuer avec notre première pause musicale. On a un petit peu en avance d'une minute, c'est nickel. Je sais pas si je le prononce bien, c'est Daphne. Daphne, ouais. Et non pas Daphné. Le titre Carry On, à tout à l'heure. De retour sur Sport and Chill, excusez-moi, j'étais en train de manger, vous l'avez compris. Et donc c'était, les gars s'il vous plaît, on a l'antenne. C'était Daphne avec le titre Carry On. On va, bah, on a Romain au téléphone, est-ce qu'on l'a de suite? Oui, je suis bien là. Bonsoir Romain, comment ça va? Salut Romain. Bah, écoutez, très bien, dans le froid polaire lyonnais, mais ravi d'être avec vous pour, ça, pour profiter de cette dernière de l'année. Tu le savais hein, qu'il allait faire froid à Lyon, donc... Ah ouais, mais là on a même eu droit à la neige, donc c'est dire, voilà, on est déjà au JO d'hiver, voyez-vous. On prépare l'année 2018. Allez, on va passer bah, tout de suite au jingle rugby. Vertraille qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Emmons qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'embut. Et c'est français. La parole est au chiller. Voilà, c'était le rugby avec des bons souvenirs en perspective, notamment le dernier, hein, forcément avec notre regretté commentateur Thierry Girardi. Voilà. Et puis vous avez pu entendre Christian Jean-Pierre, un peu moins regretté du coup, avec Mike Brown. Voilà. On va commencer tout de suite avec le quiz rugby et on va commencer avec une première question. Six nations. Quel était Jean-Pierre. Ah oui. Quel a été la rapidité, la nouveauté du tournoi des Six Nations cette année? La nouveauté. Ouais. La réforme sur le bonus du bonus défensif. On est passé à 3 essais d'écart. T'as dit quoi, Yacine? La réforme du bonus défensif. Je donne le point aux deux. C'était le. Ouais, non, c'est le bonus offensif-défensif qui a été introduit, tout simplement. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. T'avais dit ça ou c'était. J'avais dit bonus offensif qui passe à 3 essais. Bon, je te l'accorde tout de même. Il y a eu des fausses bonnes réponses, mais c'était l'idée. Point pour. Oh, il est dur, Romain, là. Point pour Théo, point pour Yacine. Romain, oui. C'était parfait. Voilà. Donc on passe à la question suivante. Encore 6 nations. Rapidité, ça va être rapide si vous le savez. Qui a été élu le meilleur joueur de la compétition? Stuart Hogg. L'Écossais, ouais. Stuart Hogg, ouais, devant l'Irlande. CG Stander et le Français Picamol. Ouais. Question Coupe d'Europe. Ça va faire un petit tour de table. Clermont s'est imposé 46 à 14 la semaine dernière à l'extérieur face aux Saracens, stoppant une invisibilité de combien de matchs sans défaite en Coupe d'Europe uniquement. D'accord, ok, très bien. Oh là là. Combien de matchs sans défaite? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Allez, je vais me lancer en premier. 25. 25 matchs. Ouais, ça me paraît beaucoup. Romain, peut-être, si t'as la réponse. Je suis en train de faire mon compte. Oh, Marc, non. Les gars, dépêchez-vous. 6. Ouais, je dirais 20, moi, allez. 20. 21. Ouais, ben, moi, je dirais... 21 pour Dimitri. Et toi, Dimitri, tu joues avec nous, rugby? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi, ouais, je suis désolé. La sécurité du mec. Je suis désolé. Moi, je dis 28. 28. Et c'est 20. Je crois que c'est 2 ans. Ouais, oh, 20 matchs sans défaite. Ça vaut un point en plus, ça. Ah, ça commence à brader, là. Allez, bon, allez. J'ai déjà non, vu que tu m'as fait une position offensive, je te le laisse. Allez, c'est bon. 20 matchs sans défaite, 19 victoires et un match nul. La dernière défaite remonte. La dernière défaite remonte en avril 2015, où c'était encore Clermont qui les avait gagnés 13 à 9 en demi-finale de Coupe d'Europe. Prochain match, j'ai encore l'habitude des... Sous la neige. Rapidité. Où avait lieu la seule victoire de l'histoire des Irlandais face aux Blacks? Ah, à Chicago. Ah ouais, c'est cool. Victoire 40 à 29 le 5 novembre 2016. Seule victoire face à un match nul. Ouais, un match nul seulement en 73 et 28 défaites. Putain, ouais. On avait parlé d'ailleurs, je me rappelle. Ouais, donc voilà, c'est à Chicago, point pour Yacine. C'est serré pour l'instant. Romain est pas encore dedans hein, sur ce coup-là. Pour il serait là pour le cyclisme. C'est dire qu'il y a de la latence après. C'est ça, c'est le froid lyonnais. Là, c'est une seule réponse possible. C'est rapidité, mais c'est une seule réponse possible. Si vous dites la réponse et que vous avez tort, vous pouvez plus parler. Coupe du monde féminine. Bonjour. À quelle place finit la France? Quatrième. Troisième, point pour Romain. L'équipe de France finit troisième de cette contre les États-Unis, elles ont perdu. Elles ont gagné contre les États-Unis. Arrête de gratter des points là-bas. La finale a vu la Nouvelle-Zélande détrôner l'Angleterre. Point pour Romain. Comme quoi, il faut le lancer un peu, il faut le pousser. Hein. Ouais, c'est ça, faut le piquer. Rapidité. Qui suis-je? Je sais qu'Yacine aime ça. Oh oui. Allez. Joueur né le 29 mars 1987. Je commence dans le rugby à 13 en tant que carrière, dans le club de ma ville, Wigan. En 2007, je passe... Chris Ashton. Oh, ah oui, oh là là. Alors franchement, ça s'applaudit parce que celle-là... Oh ouais. Oh là, je suis dégoûté. Moi, je partais, c'est quoi le conejo? Je suis même pas au dixième de ma question. Hein, je donc, partais sur Mike Brown et alors là. Les gars, s'il vous plaît, avec les ballons. Donc je continue, j'essaie de faire ma question jusqu'à fond. En 2007, donc, je passe au rugby à 15 en tant qu'ailier. Je rejoins un grand club anglais vert et or. Mais ma personnalité ne me fait pas de moi un saint. Pas mal. Parce que Northampton Saints, pas mal, tu vois. Pas mal. Oh oui, voilà. Superbe. En 2012, je change de club et c'est là où je gagne 2 Coupes d'Europe. En ce qui concerne ma sélection, j'ai déjà gagné les 6 nations avec mon pays, l'Angleterre. Finalement, en 2017, je change d'air et j'arrive dans un autre championnat. Et directement, je m'impose comme le meueur marqueur de ce championnat. J'arrive en même temps qu'Hugo de Bonneval, Jonathan Wisniewski ou encore Raphaël Lacafia. Je suis le seul rouge et noir anglais. Je suis Chris Ashton, actuellement meilleur marqueur de top 14. Devant Nemanja Nedelj. Ouais. Voilà. Et meilleur marqueur de la Coupe d'Europe également. Donc point pour Dimitri. C'est énorme, mais je te donne qu'un solide, point sur ce que... C'était solide. Coupe d'Europe. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe d'Europe de rugby, la finale ne se jouera pas dans un pays destination. Bilbao. À Bilbao. J'accepte pour les deux, Yacine et Romain. Se déroulera cette année Nous sommes à Metz de Bilbao. Le lieu de la finale cette année, on sait déjà que la finale se jouera l'année prochaine, donc en 2017, à Newcastle. Ouais. À noter qu'aucune finale n'a eu lieu déjà en Italie. Ouais, c'est un peu dommage, mais après il faut aussi s'interroger sur la vétusté des stades. Ouais, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. À part au Juventus Stadium. Voilà, et tu vas pas non plus le faire à Trévise ou à. Donc point pour Yacine et point pour Romain. Une seule réponse pour cette question. Quel est le seul club du top 14 ? Non, les deux seuls clubs, excusez-moi, du top 14 à n'avoir jamais gagné 2 championnats, 2 coupes d'Europe, petite ou grande. Alors répète la question. Quels sont les deux seuls clubs en top 14 à n'avoir jamais gagné ni un championnat, ni une petite coupe d'Europe, ni une grande coupe d'Europe? Oyonnax. Brive. Oyonnax et La Rochelle. Oyonnax et La Rochelle. Mais Oyonnax, c'est Yacine qui l'a dit en premier. La Rochelle, c'est point pour Dimitri. Donc point pour Dimitri. Ah, ils sont bons. Ouais. Point pour Dimitri et point pour Yacine. Il prend le large, Yacine. Brive a gagné. Je me suis rendu compte de ma connerie quand je l'ai dit. Donc voilà. Montpellier a gagné une petite coupe d'Europe. C'était en 2016. Face au Harlow Queens. Mais on y était. C'était beau. Un autre qui suis-je? Dimitri. T'as perdu 10 secondes. Je suis né le 27 janvier 1962. Je trouve pas. Je m'appelle Anthony, mais on ne me connaît pas sous ce nom-là. Je ne joue plus maintenant en rugby, mais j'ai une petite carrière en France dans de petits clubs tels que Lourdes. Je passe en 2000 à ma carrière d'entraîneur. Je me dirige vers le pays du rugby où j'entraîne un petit club, puis en 2004 l'un des plus gros clubs de ce pays, à savoir les Crusaders. En 2006, je reviens en France, c'est à ce moment-là moment-là que mon surnomme aussi le sorcier. Malgré cela, je ne gagne qu'un seul titre. Lassé de cette infortune, je tente le parcours international en allant entraîner pour la première fois une sélection. Notamment quart de finaliste de la Coupe du Monde 2015. En 2017, je repars vers les clubs où je remplace Jack White à la tête d'un club qui n'a jamais gagné un top 14. Un petit salut à Monsieur Joubert au passage pour le quart de finale de l'Écosse. Ok, d'accord. Perdu face à l'Australie. Tu m'as mis mon point, toi, là-bas. Oui, oui, je vais le mettre. Je l'ai. Théo, il est chaud. Hein. Attends, j'ai pas envie de tirer une deuxième derrière Yacine. T'avais Verne Cotter, je l'avais sur le bout de la langue. Malheureusement, c'est ce que tu vas faire parce que c'était la dernière question. Ah merde. Yacine, donc à 5 points. Dimitri à 2 points et Théo à 3 points. Romain à 2 points aussi. Voilà. Oh là là. Bravo. Ah, c'était pas ma soirée. Hein. On verra sur le cyclisme. On verra sur le cyclisme. On verra je pense cyclisme. Que sur le cyclisme, je vais être performant. Tu veux commencer, Yacine, sur ton coup de cœur alors, oui, c'est quoi? C'est l'Angleterre. Alors, c'est ça c'était l'Angleterre parce qu'au départ, je partais sur La Rochelle, mais comme on l'a fait un peu trop, comme je l'ai fait un peu trop ces dernières on semaines. On en fait jamais trop sur La Rochelle. Oui, en effet, mais là, c'est que là je vais craquer, attention. non, en fait, c'était une pensée assez émue pour la perfide d'Albion. Hein, quand on pense qu'en 2015, il s'était fait sortir de manière assez honteuse, bon, dans une poule de la mort, mais à domicile en Coupe du Monde, et que cette année, ils vont encore prétendre pour une troisième tournoi destination d'affilée, et que dans un an et demi, ça sera le grand favori de la Coupe du Monde au Japon avec les Blacks. Bah, je tenais juste à tirer un grand coup de chapeau à cette équipe qui a été totalement remaniée avec Eddie Jones qui a pris la place de Lancaster depuis 2015. Mmh. Avec une génération qui arrive enfin à maturité, qui avait des jeunes joueurs qui étaient lancés dans le bain en 2015 mais qui n'étaient pas prêts. Et ils sont habitués depuis des années maintenant à faire des demi, des finales de Coupe d'Europe. L'alchimie a pris au niveau du 15 de la Rose. Mais quand on voit l'équipe, elle change quasiment jamais avec un effectif qui tourne assez rarement et les joueurs se connaissent par cœur. Donc, ouais, avec un super entraîneur. Impressionnant. Bah, l'an dernier, je sais plus s'ils ont fait le grand chelem ou s'ils ont fait 4 matchs sur 5 non, gagnés. Non, ils ont fait 4 matchs sur 5. Hein. Aussi, c'était il y a 2 ans qu'ils ont fait le grand chelem, je crois. Bah, chapeau. Donc, peut-être Romain, Dimitri ou même Théo qui voulait réagir. Peut-être Romain. Oui, effectivement, ça, je pense que ça serait un peu tous mal en tant que Français supporter du 15 de France de parler du 15 de la Rose comme un coup de cœur, mais il faut dire que cette équipe, il faut s'en inspirer. Elle a évolué très vite vers de nouvelles très bonnes bases, alors qu'on pense que cet échec quand même cuisant à domicile en plus, en 2015, aurait pu les faire plonger en plein doute. Et effectivement, il faut tirer un chapeau à Eddie Jones, et puis en plus, au-delà d'être efficace, comme ils le sont souvent, c'est une équipe qui produit du beau jeu, à l'image quelque part un peu de ce que produit aussi l'Écosse depuis quelques années. Et donc on voit les nouvelles nations qui dominent le rugby en Europe. Et voilà, même si l'Écosse montre maintenant de belles intentions, pour moi l'Angleterre est vraiment la seule équipe européenne qui a même par exemple à bousculer actuellement une équipe comme les All Blacks. Et il faudra compter sur eux dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde avec une super génération et à la fois des jeunes joueurs devant comme dans les lignes arrière performants qui montent et puis aussi une part d'expérience qui n'avait sans doute pas encore en 2015. Ouais, puis c'est intéressant le parallèle en fait. En 2015, le 15 de la Rose était aussi au fond du trou comme le 15 de France, on va dire. Et eux ont fait les bons choix. Ils ont pris un excellent entraîneur qui avait déjà mené le Japon notamment à gagner la contre l'Afrique du Sud. Oui. Ouais, donc sacrée performance, parce que le Japon n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui. C'est totalement l'inverse de la France. L'Angleterre, c'est peut-être la meilleure nation européenne, et ça fait partie sûrement de l'une des trois meilleures nations du monde. Est-ce que c'est peut-être les seuls qui peuvent battre les Blacks pour la prochaine Coupe du Monde? C'est, en tout cas, c'est ceux à qui on pense peut-être en premier. Bah, en tout cas, c'est vrai que dire de l'Écosse qu'ils peuvent battre les Blacks à la Coupe du Monde, ça me paraît encore une fois un peu prématuré. Non, pour l'Angleterre. Non, oui, je sais, mais en fait, c'était juste par comparaison avec l'Écosse. Donc, en effet, moi, je pense que si on élimine l'Écosse, ou même, je vois pas l'Australie où les Bocs battent les Blacks, donc c'est peut-être la seule équipe qui est à même de les battre. Et surtout qu'en plus, même au niveau des test matchs, ils laissent quasiment que des miettes, hein, ils ne perdent plus rien. Quoi. Ouais, non, c'est incroyable. Ils sont vraiment impressionnants de rigueur. C'est pas forcément toujours beau, mais c'est incroyablement efficace. Et d'ailleurs, c'est pas une surprise pour faire le lien juste avec les deux dernières Coupes d'Europe. Dans le quiz, on avait certaines questions par rapport à la Champions Cup. Les deux anciens meilleurs joueurs des Européens sont Owen Farrell l'année dernière et Mauro Itoje il y a 2 ans, donc joueur des Saracens, vainqueur de la Coupe d'Europe, ça joue bien sûr, mais c'est aussi lié à leur performance assez impressionnante de régularité avec le 15 de la Rose. Très bien, on va passer au deuxième... c'est un coup de gueule cette fois-ci. Ouais, donc, coup de gueule, c'est un peu l'opposé finalement, c'est le coup de gueule forcément sur l'année noire du 15 de France. Pour vous dire un peu, c'est sous l'ère Neves, c'est 7 matchs gagné sur 22. Cette année, on a eu 3 victoires pour 8 défaites et 1 nul. Donc, pire bilan comptable depuis 1996 et donc le début de l'ère pro. Et il faut même remonter à 82 pour voir l'équipe de France incliner 5 fois d'affilée, comme ça a été le cas cette année, du coup. Et bon, alors le tournoi destination, il avait laissé quelques espoirs, notamment voilà, cette victoire face au Pays de Galles à la 100e minute. On s'est dit, ça y est, ils se sont trouvés un mental. Et ça nous faisait pencher la balance du bon côté. On était à 3 victoires pour 2 défaites face aux deux meilleurs, clairement l'Angleterre et l'Irlande. Mais voilà, c'est pour moi l'instant charnière, c'est la tournée d'été où on se prend minimum 35 points d'écart par match. On se prend plus de 100 points sur les 3 matchs, je crois. Et en fait, voilà, c'est là, j'ai l'impression que les joueurs ont lâché un peu. Moi, je pense qu'ils ont lâché le staff parce que cette tournée d'automne qui est normalement plus favorable aux équipes du Nord, on n'a pas vu le jour. Hein. On prend une rouste en premier match face à la Nouvelle-Zélande 38-18, une défaite face à l'Afrique du Sud alors que l'Afrique du Sud était vraiment vraiment au fond du trou. Et puis bon, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est le match nul face aux Japonais. Qui clairement méritait la victoire, on s'en sort bien avec ce match nul. Donc en fait, juste Neves, il semble pas avoir la solution. Il parle de perte de confiance, mais c'est plutôt moi ce qu'on lui reproche, c'est plutôt son absence de projet de jeu. Il a testé plus de 60 joueurs, je pense, durant son mandat. Il y a une absence de réaction lorsque l'équipe est menée au score, il y a une absence d'envie. J'ai l'impression que les joueurs, ouais, ils ont lâché et que On cherche la faute là où elle est pas, quoi. On cherche la faute des médias qui mettent trop de pression. Et en fait le faute est pas là, c'est qu'il y a une absence totale de projet de jeu. On réagira à ce que tu as dit après, je suppose, moi même ou Vincent, je pense qu'on a la même idée sur ce coup là mais Dimitri avait demandé la parole. En fait, je pense que les réformes qui sont mises en place vont prendre du temps à faire effet. Le fait qu'il y ait encore beaucoup d'étrangers dans les clubs du top 14, que les joueurs français soient des seconds couteaux. Je pense à un joueur comme Anthony Bello qui a que 6 mois de top 14 vraiment où il s'est révélé. Il n'a pas encore une trentaine ou une quarantaine de matchs au top niveau, donc je pense qu'on est en phase de reconstruction, donc attendant 6 mois c'est assez court, je pense. Ouais, après avec les joueurs qu'on a, on peut pas être la 8e nation mondiale, faire un match nul contre les Japonais 11e nation mondiale. On a une moyenne de 21 points encaissés par match et de 19 points marqués en moyenne par match. Enfin, c'est le plus faible total depuis les 5 derniers grands entraîneurs. Quoi. Donc ça, c'est juste... Avec les joueurs qu'on a, on ne peut pas se permettre ça. Moi, je pense qu'on est d'accord. J'étais d'accord sur le fait que peut-être les joueurs ont abandonné le staff. Après, je pense pas que la personne à accuser reste mauvaise. Je pense que tu es d'accord sur ça, peut-être, Vincent. Oui, moi je partage, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a un problème. Mais Neves, je pense que c'est l'homme de la situation. C'est parce que c'est le meilleur entraîneur français, est-ce qu'on peut le nier ou... Est-ce que, c'est ouais, le meilleur tacticien français. Après, j'ai l'impression que pour cette équipe, il faut un meneur d'homme. Je suis désolé. Et Guy Neves aujourd'hui, il mène pas ses hommes. Ils ont eu 10 semaines de préparation. Et quand on voit que Picamol arrive cramé au 3e match, mais c'est pas normal, quoi. Il y a un problème avec le staff. Il y a un problème avec le rugby français, tout simplement. C'est que là, on se rend compte finalement que quand Saint-André est arrivé, on l'a critiqué, je pense, à juste titre, parce que pour plein de raisons. Mais moi, à l'époque, je m'étais toujours dit, là, maintenant, on va avoir Noves. Si Noves ne réussit pas, et c'est ce qui est malheureusement en train de se passer, il va falloir réfléchir en profondeur à ne pas dire à chaque fois, à remettre la cause sur l'entraîneur. Parce que rappelez-vous, avec Lièvremont, on l'avait critiqué aussi. Bien que bon, il y avait ce grand chelem en 2010, il y a eu cette finale de Coupe du Monde, mais faut se rappeler quand même les conditions. On perd face au Tonga, voilà. Je veux dire, Saint-André, on a dit bon, d'accord, il est mauvais, très bien. Là, Noves, il n'y a pas cette excuse-là, quoi. Pendant 30 ans, il a mené Toulouse, il en a fait le plus grand club européen. Je ne vais pas dire du monde, parce qu'après, on va me dire que je ne suis pas objectif, mais voilà. Mais en attendant, qui peut remettre aujourd'hui en cause les compétences de Guy Noves? Personne. On va essayer d'enchaîner peut-être avec Yacine, et peut-être je laisserai Romain conclure pour le rugby. En fait, j'avais juste deux choses rapides à dire. Là où je suis un peu pessimiste, c'est par rapport au timing, parce que là, clairement, il faut l'objectif. Ah oui, il faut aller au bout. C'est la Coupe du Monde 2019 qui arrive, je sais pas, d'ici un an et demi, deux ans maxi. Et le truc, c'est que bon, il n'y a aucun progrès notable qui a été fait depuis deux ans. Moi, en effet, je vois des joueurs, des jeunes joueurs, qui, comme disait Dimitri, ne sont hélas que des seconds couteaux, mais dont on sent qu'il y a, je dis pas le French flair, mais il y a encore beaucoup de velléité de jeu. Je pense à Dupont, je pense à Bello, en effet, ça fait plaisir à voir, etc. Après, moi, je pense que si on se compare, en effet, aux grandes nations du rugby, bah, pour la Coupe du Monde 2019, je sais pas, je suis assez pessimiste. Il faudra d'abord battre l'Argentine, et puis moi, je vois assez mal battre l'Angleterre avec le niveau que l'on a affiché. Quoi. On va peut-être pas parler de la Coupe du Monde en particulier, mais c'est vrai qu'on a des, on peut avoir des inquiétudes, hein, sur le 15 de France. Peut-être, Romain, tu voulais conclure. Les gars, on vous entend un petit peu. Tu pourrais conclure sur ça. Oui, juste réagir là-dessus et conclure. Je comprends les inquiétudes et je pense qu'on les partage tous. Et les inquiétudes de Théo. Après, personnellement, je pense que c'est dur de dire qu'il n'y a pas de projet de jeu. Parce que honnêtement, en termes d'intention de jeu, quand même, il y a des nouvelles choses entre l'époque Saint-André, personnellement, et l'époque Noves. Je suis aussi d'accord lorsque Vincent dit que en France, on n'a pas beaucoup mieux actuellement à proposer. Mais c'est triste à dire qu'on a la Rochelle quand même que dans le championnat, quoi. Enfin, on a un mec comme Colado qui apporte des nouvelles choses. Je veux bien que l'équipe soit pas 100% française, mais bon, la plupart des joueurs français qui ont émergé dans le 15 de France, il y en a pas mal qui sont rochelés. Moi, quand on me dit qu'il y a un projet de jeu, je suis désolé. Mais l'exemple que je donne, c'est le Japon. En face, on a une équipe qui est vive, qui va vite, qui a un projet, qui va quelque part. Nous, on était perdus en face. Et quand je vois UG qui commence à balancer des ballons en touche, les mecs, ils savent pas faire. Je suis désolé, ils savent pas faire une passe, quoi. On est d'accord sur ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Par contre, il y a une notion à avoir bien en tête. Hein. Et La Rochelle s'en rend compte d'ailleurs à chaque fois que le niveau monte d'un cran, même si pour le moment ils répondent présent à merveille, à part un petit peu hier en Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart aussi en termes de rythme de jeu et de manière aussi de jouer et d'arbitrer, et de l'arbitrage aussi qui peut tourner autour, entre des matchs de top 14, pour se rendre régulièrement à l'Altra Stadium ou même regarder les matchs, si on veut une équipe qui joue beaucoup plus, à Marcel de Flandre de La Rochelle, et le rythme qui peut être le rythme international. Évidemment, on a laissé passer le train, ils sont maintenant très loin pour ce qui est pour ce qui concerne des grandes nations mondiales du rugby actuel. On n'en fait plus partie. On est clairement là-dessus, je suis d'accord, en seconde division du rugby. Par contre, sur ce qu'on produit, c'est très irrégulier, ça effectivement. Il manque beaucoup d'éléments. On réalise souvent une seule mi-temps sur deux, et à ce niveau-là, c'est pas possible de réaliser des matchs pareils. Par contre, un projet, un fond de jeu, il y en a un qui est à exploiter, par contre qui est à dynamiser, améliorer. Ce qui manque clairement, c'est une vraie phase de renouvellement. Est-ce qu'il faut partir avec véritablement des hommes différents, et puis surtout arriver à mieux gérer ses joueurs, effectivement, comme tu le dis, pour qu'ils n'arrivent pas sur les rotules après trois matchs, parce que c'est pas possible, et en Coupe du Monde on ne pourra pas se cacher derrière ce genre de choses. Et puis il y a aussi des blessures qui font que mais qui sont aussi dues sans doute à une mauvaise préparation, qui font qu'on a des joueurs qui sont pas stables au poste de clé. On termine avec Théo, je te laisse le droit de réponse. Les autres équipes ont des blessures, et en fait quand je disais que si les joueurs font des erreurs, c'est pour moi c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de projet de jeu. Les mecs ils sont perdus sur le terrain. Mais par exemple, en 10, tu le vois souvent blessé, Farrell ? Je te donne un exemple. Ben jamais. Ouais, d'accord, mais bon, ceux qui sont mieux préparés. on peut continuer éternellement, on va terminer, là-dessus. On va sinon le Romain, on va avoir moins de temps sur le cyclisme. Alors là, il faut bien sûr, mais en tout cas, on souhaite le meilleur à cette équipe de France. Ouais. Un point, c'est peut-être une piste à chercher dans ce cas-là. Eddie Jones est un entraîneur étranger en Angleterre. Vern Cotter a été un entraîneur étranger en Écosse. Est-ce qu'il faut oser ça ? Après, par contre, ce n'est pas dans la culture française. Ça, c'est certain de prendre un sélectionneur étranger pour le 15 de France. Très bien. On va passer tout de suite, sans plus tarder, au jingle cyclisme. Sagan ! Peter Sagan qui s'impose devant Michael Matthews. C'était juste ! Only just, but just is enough. Ce sprint est très très houleux. Arnaud Démare qui va aller s'imposer. La première victoire d'Arnaud Démare sur le Tour de France, c'est vrai. Victoire sur le Tour de France à la station des Roses pour Lilian Calmejean. C'est fait pour son premier Tour de France. Bombardier qui est passé et qui va s'imposer. La victoire d'étape peut-être pour Romain Bardet. La parole est au chiller. Je vais introduire aussi Dimitri pour ce quiz cyclisme. Il n'était pas prévu, mais vu que Romain est au téléphone, il y a un micro en plus, donc il peut jouer avec nous. Ah bah super, on est avantagés. Nous. Ah, on a trop d'adversaires là. Cyclisme, on va commencer avec question générale. Ça devrait être très rapide. Qu'a fait Robert Marchand? Ah, il a battu le record de l'heure des 100 ans. Oui, point pour Vincent. Français de plus de 105 ans qui a battu le record de l'heure en cyclisme sur piste dans sa catégorie. Une catégorie créée uniquement pour lui d'ailleurs. Donc, point pour Vincent. Voilà. Non mais respect quand même. Vincent est au taquet ce soir, je suis impressionné. Non mais merci. Non mais 105 ans quand même. On aimerait bien être comme lui à 105 ans. Non mais moi j'aimerais bien faire 20 km en 1 heure déjà en vélo. Ouais, c'est ouais. Écoute, peut-être 105 ans, on verra. Si déjà à 24, j'y arrive pas. Deuxième question. Paris-Nice. Ah. Sur 6 des 8 étapes du Paris-Nice, le maillot jaune était porté par des Français. Qui sont-ils? Alaphilippe. Alaphilippe et. Ou même Arnaud. Galopin. Non, non. Barguil. Si, c'est Démarre. Démarre, point pour Romain et Vincent en plus. Ah ouais, purée. Vincent, un point et Romain, un point. 2 pour moi. Oui, t'en as 2, mais t'en as. Je l'escroc. Arnaud Démarre qui garde 3 jours le maillot jaune, tout comme Julien Alaphilippe, avant que Henao le récupère à la 7ème étape, puis le conserve jusqu'à la fin. C'est Là, ça va être rapide. Le sprint final de Milan-San Remo a vu s'affronter 3 cyclistes. Lequel est dans l'ordre? Kwiatkowski devant Sagan, Alaphilippe. Ouais. Ouais, voilà, pareil. Ouais, j'aurais pas pu mieux que les deux. Je vais mettre un point à chaque, on va dire ça. Vincent et Romain. Les autres, quand vous voulez. Ouais, ça sera compliqué de les suivre. Hein, Rapidité encore. Parmi les grands tours, sur quel circuit de Formule 1 des cyclistes sont-ils passés? Monza et... Ah, celui de Logroño, je crois. Celui de Navarre. Valence. Paul Ricard. C'est un Spa-Francorchamps. Oh, oui. Ah, d'accord. Pour le Tour de France. Joli. Ah, joli. Et Monza pour le Giro. Ah, ouais, oui, c'est vrai qu'ils sont plus. J'ai même pas suivi la question. Ouais, désolé, des fois, c'est peut-être moi qui mâche un peu les mots sur ce coup-là. Vincent, tu vas te calmer. Ah, il est on fire. On sait que le cyclisme et le tennis, il sera compliqué à chercher. Il a eu des examens, il m'a dit qu'il allait réviser, mais il m'a pas dit qu'il allait réviser sur les cousins. Ouais. Non, mais en plus, Monza, pour moi, c'est mythique. Paris-Roubaix. Rapidité. Tom Boonen a mis un terme à sa carrière après le Paris-Roubaix 2017. À quelle place a-t-il fini? Deuxième. On va faire un tour de table, tiens. On va faire un tour de table. On va faire un tour de table, vas-y, Yacine. Allez, je vais changer un peu. Cinquième. Cinquième. Je crois qu'il est... Allez. Ouais, dixième. Dixième. Je crois qu'il finit treizième. Treizième. Romain. Je pensais 13ème aussi. Ah, pour le coup. Bah t'as le droit, hein, écoute. Qu'est-ce que... Voilà, donc bon, 13ème. 13ème aussi. Allez, Dimitri, et donc Romain? Je dis 13ème. 13ème aussi. 13ème, en effet. Ah ouais. Come on. 13ème place, donc point pour Romain, Vincent et Dimitri. Oh, c'est dur. Hein. Tour de France 2017. Ah. Rapidité, qui a dit? Je pense que c'est parfaitement normal avec un Français en deuxième position, à 23 secondes. On était au cœur de Marseille. Ah, c'est Barguil. On terminait dans un stade de football, ce n'est pas surprenant. Froome. Je ne leur en veux pas, j'ai eu plus de soutien dans ce tour que les autres années, et je veux remercier le public, les fans. Ce tour est une course française. En France, c'est une tradition de venir, familiale de venir. Chris Froome, après nombreux sifflets, évidemment, qui l'ont accompagné pendant le contre-la-montre de Marseille. Mais et encore l'année prochaine, il verra. Ouais, ils vont en avoir d'autres, je pense, un peu. Point pour Théo. Tour de France 2017, toujours, rapidité. Oh. Quel site parisien a été traversé pour la première fois? Le Grand Palais. Pour cette édition, le Grand Palais a été traversé. Il est solide. Pour la première fois de cette dernière étape. Ouais, évidemment, à Paris. Encore une question Tour de France. Quelle était la particularité de la victoire de la Sky sur le classement par équipe? Il y avait trois. Non. Ah oui, il y avait trois joueurs cyclistes parmi les 10 premiers. 10 premiers. Ou 4. 6. Ils sont tous dopés. Plus d'une heure d'avance, non? Non. Aucune sur le deuxième. Ils avaient une combinaison spéciale pour le contre-la-montre qui les avantageait. Non, c'est pas ça. même si c'est vrai qu'il y a eu cette affaire-là. C'est pas une histoire dans les 10 premiers. Non. Ah. Dans les 15 premiers. Non. 20 premiers. Non, il y a pas 50. De... C'est sûr, le classement. C'est la première fois qu'ils remportent le classement par équipe. Non. Peut-être, mais... J'ai pas remarqué ça. Non, je crois pas, il avait gagné. C'est un rapport pas très loin avec ça. Ils l'ont remporté sur les 3 grands tours. Non. Le classement par équipe. Ça approche peut-être. Ça concerne que le Tour de France. Et j'ai regardé dans l'historique, je n'ai pas vu ça depuis 2000 au moins. Ils ont gagné le classement par équipe sans gagner aucune étape. Non, d'ailleurs je crois qu'ils ont gagné une étape. Ouais, oui, ils ont gagné. C'est quoi Yacine que tu m'as dit? Non, j'allais dire une autre chose, donc Cabreau m'a dit qu'ils avaient gagné une seule. Ouais, vas-y, balance. Ils ont été à la première place du début à la fin. Sans perdre une seule fois. Ah ouais. Ils ont toujours été premiers du classement par équipe sans perdre une seule fois. Très belle question. Je suis remonté jusqu'aux années 2000. J'ai pas été plus loin, mais j'ai pas vu une seule équipe avoir fait ça. Même le S-Postal, ils l'ont pas fait. Non, même le S-Postal l'a pas fait. Donc, ouais, ça, deux grandes équipes, quoi. Ceux qui étaient proches de le faire, c'était une autre grande équipe, Vincent, la T-Mobile. Ils l'ont pas réussi, c'était à quelques. Notre ami Yann Ulrich. Avec une probité magnifique. Donc voilà. Qui suis-je? Né le 28 octobre 1991, je suis né dans une région particulièrement importante pour le cyclisme. Barguil. Warren Barguil. Ah ouais. En 2012, je m'engage avec Argos Shimano, qui changera plusieurs fois de nom. Pendant cette période, je gagne notamment le Tour de l'Avenir, mais c'est surtout mes deux victoires dans les étapes d'un grand tour qui vont me faire grandir. 2017 restera sûrement ma meilleure année, mais aussi la pire. Il gagne deux étapes de montagne, mais aussi le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de son pays. Cependant, à la fin de l'année, sur le Tour d'Espagne, mon équipe Sunweb va m'exclure pour ne pas avoir attendu mon coéquipier. En 2018, je rejoindrai Fortunio Oscaro. Je suis français, on me surnomme Wawa. Je suis Wawa. Ça vaut combien? Ça vaut un point. Ça vaut un point. Tout le monde cherche à gratter ce soir. Ah, ça fait les fonds de tiroir. Ça fait les fonds de tiroir. il reste deux questions au cyclisme. Allez. Question Vuelta et notamment suspension de Froome. Ah bah tiens. Qui a dit je suis tellement en colère, le public et moi nous avions l'impression. Tony Martin. Tony Martin. Tony Martin. Tony Martin. Allez, un peu chacun. Qu'il y avait des magouilles dans notre équipe. Parce qu'il s'est excusé en plus aujourd'hui. Est-ce que Froome et son béni. Sous pression de l'UCI. Hein. Les gars, je peux finir. Pardon. Est-ce que Froome et son équipe bénéficient d'un statut spécial pour l'interrogation? Réaction la plus virulente, d'ailleurs, je trouve, de Tony Martin, l'Allemand, qui a réagi assez fortement, tout comme Nibali, Bardet ou encore Hino, qui ont réagi également assez virulemment. Virulemment, je veux dire. Non, c'est bon, c'est bien. C'est joli. Donc, point, c'était Vincent hein, qui l'avait dit en premier. Une seconde après, malheureusement, pour Romain. Et pour moi est-ce aussi, que c'est la latence moi, c'est pour moi. Je pense que c'était une demi-seconde pour moi. Mais... En dixième. Allez, je donne deux points à la dernière. Vuelta, qu'est-ce qui a été instauré pour la première fois la Vuelta cette année? Les bonifications? Non. Le bonus défensif. L'Ocaï. Bonus offensif. Non. Ah oui, c'est pas oui. Pour 2018, c'est ça? Non, pour cette année. Ils sont partis en France à Nîmes. En France? Non. Moi je pensais que ça avait un rapport avec. Ils sont partis des arrêts de. Ils ont instauré quelque chose, c'est pas le fait qu'ils sont passés. Ils sont partis dans un pays étranger? Non. C'est des hommes qui offrent. Ça fait trois fois. La caravane. Beaucoup de fleurs. Non. Pour la première fois. Ça n'a aucun lien avec l'actualité récente. C'est en rapport avec plutôt l'esthétique tout de même. Celles qui remettent les hôtesses qui refaites. Non, c'est ce qu'on voit surtout sur eux. Le maillot rouge Non, décolleté, il n'y a plus décolleté. les écoutes? Non. Bon, allez, on ne savait pas. Le maillot blanc de Mère Jeune a été instauré, tout simplement. Ah, bien vu. Bien vu. Je pensais qu'il parlait des hôtesses aussi. Il n'en avait pas auparavant, il vient d'être instauré et sponsorisé par le quotidien As. Voilà. Donc pas de points sur celui-là. Et Vincent, Vincent va aller gagner ce tennis avec 7 points. Cyclisme avec 7 points. Romain 3, Théo 1, Yacine 1. Voilà. On n'est pas funny. L'important. C'était pour le. Et oui, Dimitri aussi, que j'avais rajouté 2 points. Voilà. Donc la parole est au Chillers. Tu vas commencer peut-être avec un coup de cœur, peut-être, Romain. Tu voulais nous parler oui, de... Oui, bah, un coup de cœur sur plusieurs coureurs, mais comme ça, je pense que Vincent pourra réagir assez rapidement, sachant qu'il a considéré que ça avait été un petit impair. Je voulais parler... je te faisais une petite blague. Hein. Oui, je me doute. Mais c'est pas faux, parce que c'est aussi un coureur qui a marqué là-dessus. Je voulais parler des hommes forts, des classiques, qui ont marqué cette saison, parce que souvent, on met en lumière plutôt les performances dans les grands tours, hein, qui passionnent les foules, notamment sur le Tour de France. Donc, pour sortir un peu du cadre du Tour de France, ben, parler de d'une autre période qui est le printemps dans le cyclisme où ont lieu de nombreuses classiques et où finalement mais une tendance qu'on peut retrouver dans d'autres milieux sportifs cette année comme au tennis amène à avoir des coureurs expérimentés plus proches de la fin de carrière pour le coup que même d'une phase de maturité sportive remporter des grands titres comme Alejandro Valverde qui a remporté à nouveau cette année la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, ou encore Greg Van Avermaet qui avait été sacré champion olympique et qui cette fois-ci a remporté à la fois Grand Wevelgem et également Paris-Roubaix, pardon. Donc pour moi, c'est deux coureurs dont on parle pas tant que ça en réalité et qui en plus sont présents sur la durée dans la saison parce que bon, Valverde aussi on le sait est un coureur de grand tour mais même Greg Van Avermaet fait souvent les grands tours et le Tour de France et il a été vainqueur d'étape et voilà qui marque la saison tout du long et je pense que cette année voilà on a eu des grands coureurs pour remporter les classiques alors qu'on a eu certaines saisons où on a pu avoir des victoires un peu plus surprises et qui n'ont pas forcément parfois mis en lumière ces titres classiques donc personnellement j'ai trouvé que c'était assez symbolique de cette saison et puis à saluer deux autres coureurs je penserai à Michał Kwiatkowski qui a remporté Milan-San Remo notamment cette saison donc un coureur pour le coup qui a plus d'avenir et qui confirme encore. Et puis le sacre renouvelé pour Peter Sagan qui réalise une performance jamais réalisée en cyclisme et même dans de nombreux sports qui est celle de remporter trois titres consécutifs de champion du monde. Donc on a eu vraiment des très grands coureurs de classique cette saison. Donc Romain vient de passer à son intro la première partie. il a encore oublié Nibali. Hein. C'est incroyable. Et j'ai pas cité Nibali parce que je te laisse faire ton petit commentaire. Je te laisse faire très rapidement parce que je vous l'avais dit, on va devoir piocher sur le cyclisme. Parce qu'on a été en retard avec le rugby. Je te laisse répondre au point. Non, mais enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, faut pas oublier que les classiques, c'est peut-être les anciennes, les seules courses actuellement qui se courent encore à l'ancienne. Tu peux pas cadenasser la course comme on le fait dans les grands tours, comme la Sky le fait. Et c'est ça qui donne vraiment son charme. C'est des courses centenaires sur un Paris-Roubaix. Enfin, c'est toujours gagner un Paris-Roubaix. Voilà, il y a toujours une part de avec les pavés, tout ça, une part de chance et une part de magie, de mythologie, aussi, voilà, de magie, de mythologie, tout à fait. Et tu fais très bien de signaler ça parce qu'on a vraiment d'énormes coureurs de classiques qui ont gagné, voilà, Sagan, tu les as tous cités, quoi. Mais voilà. Je te laisse enchaîner sur ton coup de gueule. Alors moi, coup de gueule, coup de cœur, je sais pas trop, c'est sur Froome. Voilà, donc on le sait, qui a été pris par la patrouille. D'un côté, je me dis c'est une bonne chose que le cyclisme voilà, sorte des affaires comme ça. Enfin, je suis un peu sceptique, je crois que c'est des journalistes qui ont sorti l'histoire. Romain, je sais pas si tu peux me le confirmer ou pas. Ouais, je crois que ça vient de là pour le coup. Voilà, les fuites viennent de Lucie. Hein. Ouais, mais parce que justement, Lucie, oui. Lucie est au courant depuis plusieurs temps apparemment et c'est sorti que là. Je crois que c'est sur dénonciation par les médias, effectivement. Après, oui. sur cette affaire. Il est au-dessus du seuil au salbutamol, mais il faut attendre la densité de l'urine parce que s'il avait beaucoup transpiré, ce seuil va augmenter. Et en fait, c'est là moi que cette histoire me pose problème aussi, c'est qu'on a sorti l'histoire, j'ai l'impression un peu pour le descendre. Qui était déshydraté, c'est ça? Ouais. Enfin, alors qu'on n'a pas encore tous les éléments. Si cette densité dit que le taux est au-dessus, ok, on peut dire qu'il s'est dopé. On a dit que même s'il était déshydraté, il était tout de même largement au-dessus de ce qui était prévu. C'est pour ça. Ok. Voilà, je te laisse surtout qu'apparemment il serait victime d'asthme d'effort donc comme beaucoup de cyclistes mais que c'est bizarre voilà c'est notamment accentué quand il y a du pollen et on sait que la Vuelta en septembre il y a pas le pays du pollen, c'est ça? Voilà, c'est pas apparemment c'est un temps assez humide, donc je pense que voilà, Froome, bon après on va attendre, il y a toujours la présomption d'innocence qui prévaut, mais voilà, je suis content d'un côté que des histoires comme ça sortent, parce que ça prouve que le cyclisme fait un vrai travail dans la lutte antidopage par rapport à d'autres sports, je pense notamment au tennis. C'est ridicule, mais voilà, je vois des réactions où voilà, on dit ils sont tous dopés, et ça me gêne un peu, parce que c'est vu que c'est parce là où ils font des efforts quand même, voilà, ils font des efforts, c'est là où il y a le plus d'histoires qui sortent, et malgré tout on nous sort ils sont tous dopés, ils sont et du coup l'image du cyclisme encore une fois c'est pas rendre hommage aux agences antidopage des différents pays déjà, et de l'UCI qui fait un vrai travail pour c'est peut-être le sport le plus contrôlé au monde, c'est ça, donc forcément ils trouvent des affaires et ça entretient ce mythe entre guillemets de tous dopés. Ok. Après, très bien, on va terminer là. Faut avoir juste conscience du nombre de produits dopants qui sont sur liste justement pour le cyclisme par rapport à d'autres sports. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits autorisés dans les autres sports et qui ne sont pas en cyclisme. Et puis voilà, se méfier. À la fois on tombe direct sur Froome parce que justement c'est un peu un des ambassadeurs du cyclisme actuel. Donc quand on apprend un truc pareil, tout le monde est révolté. Et ça fait retomber dans les affres du cyclisme. Donc voilà, moi ce que je crains surtout, c'est que ça fasse mauvaise presse au sport. Voilà. Bon, désolé de terminer sur ça pour le cyclisme, mais Ça va être une belle saison l'année prochaine. Très bien. Surtout qu'il aurait pu être un coup de cœur avant cette histoire avec son doublé pour Vuelta. C'est ça qui est dommage. On te remercie d'ailleurs, Romain, d'être passé c'était ce soir. C'était un plaisir. C'était toujours un plaisir de te recevoir. À la prochaine. À bientôt. Allez, je reviendrai vous voir en 2018. Nickel. Allez. Parfait. Salut. Salut. Allez, ciao. Salut les gars. Bon courage. Quant à nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. Et c'est Ya et J. Et c'est le titre Rain Girl. Rain, make it, rain, girl, make it. Met you on the sink up. What if it's just me? And what happened could not do she? As real as it can be. Free. Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up? Oh yeah, hey dog, hey, what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Johanna's hangup. What if it's just me? Yang wa han pyeong geuna deusi. As real as it can be. So free. Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up? Oh yeah, hey dog, hey, what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it. Mother Russia in my cup. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it. Come on, he's a hit on Jari. Nobody can really find me. Or when I am so free to find me. Make it rain, girl, make it rain. De retour sur Sport and Chill. C'était, elle continue de chanter. Voilà. C'était Yeji d'ailleurs qui continue de chanter, ouais, avec le titre Rain Girl. Propre. Voilà, on va passer tout de suite au jingle autre sport. Hamilton, 200 Grand Prix, and he wins in Spa on this Sunday afternoon. Started fourth, it's a fifth British Grand Prix win for Hamilton at Silverstone. Dangerous. Oh, he's Stanishman. Conor McGregor's game effort is over. Size and economical. Very, very good. A masterclass of boxing. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Ils sont champions d'Europe. Les joueurs de Montpellier remportent la Ligue des Champions après avoir réussi un exploit absolument incroyable. La parole est au chiller. Donc, qui joue avec nous donc pour les autres sports, je rappelle, sport mécanique, boxe et hand. Il y a Tim, Anthony, Guillaume, et vu que Sylvain n'est pas là, j'ai laissé la place aussi à Yacine et Thibaut qui prendront un micro chacun. Et peut-être Théo s'il peut. Du coup, attends, je veux juste pas faire le relou, mais en termes de quiz, on est équitable En termes de quiz, on est à peu près équitable. Parce qu'en point général, ouais, ça peut faire un décalage, quoi. Sans prétention, attention. C'est parce que Sylvain n'était pas là. Parce que. À la fin, donc j'ai pas pu régler le truc. Non, mais à la base, c'était mon quiz, donc voilà, je m'informe juste. C'est tout. Il tire la couverture vers lui, celui-là. Je sens qu'il y en a qui. Non, mais je veux pas faire mon holas, mais bon, connais les règles pour tout le monde, quoi. Allez, on va commencer avec la première question, et c'est une question sport mécanique, et notamment Dakar. Si on peut avoir la petite musique stressante. Stéphane Peterhans. Qui a la pression quand il Stéphane la met. Stéphane Peterhans. Génial idée. Les gars, s'il vous plaît. Oh, c'était dur. Stéphane Peter Hansel s'est imposé cette année en catégorie auto. On va faire un tour de table. Combien a-t-il gagné en tout de Dakar, auto et moto comprises? Bordel. Tu commences, Tim? Si tu veux. Allez. Moto et auto confondu, hein. C'est ça. Je veux dire 4. 4. 6, s'il te plaît. 6. Allez, je vais dire 9. 9, Théo? Ah oui, d'accord. Ouais. Je suis peut-être en dessous d'ailleurs. Ouais, moi je dirais 10. Ouais, 10. 10 en 20 si vous voulez aussi. Bah, je vais encore enchérir, je vais dire 11. Ouais, je vais dire. Et donc moi je vais dire 7. Il fallait encore enchérir parce que c'est 13 victoires en Dakar. Un bouge pour le donc 7. Indétrônable quoi. En automobile. Putain. Donc, pas encore Yacine sur ce coup-là. Peut-être que Villas-Boas va gagner cette année. Oui, hein. André Villas-Boas? Ouais, ouais, il va participer au. Non, c'est vrai? Ouais, vraiment. Ah ouais, je croyais qu'il faisait une blague, j'ai cherché. Moi aussi, ouais. En auto, j'avais du mal à rire, mais. Ah ouais? Ouais, ouais. Il est incroyable celui-là. Bah, Yacine, il connaît tout. Quel homme. Allez, handball. Catégorie. L'équipe de France homme de handball a remporté son 6e titre de champion du monde pendant les 17 éditions en France. Pendant cette édition, un record a été battu 2 fois. Lequel? Nombre de buts marqués? Non. Record d'affluence? Oui, ouais. Record d'affluence, en effet. Le nombre de spectateurs pour un match de hand de l'équipe de France et aussi le nombre de compétition au niveau de la compétition internationale. Du coup, à Lille, avec 28 010 spectateurs présents au Stade Piémont-Roi. 10. 10, ouais. Il fait, peut-être le 10, c'est celui qui. Ah, c'est la famille Atim, ça, non? Quoi? La famille Atim, non? Qui était là? Donc, point pour Théo. Pour l'instant, c'est ceux qui ne sont pas prévus dans le quiz qui vous prennent les points. Je suis désolé, messieurs. Les outsiders qui sont là. Mais, toujours, hein. Question box. Ah, c'est maintenant pour manger. Quel est le point commun entre Amir Khan, André Berthaud, André Ward ou encore Tony Yoka? Même entraîneur. Lequel? Putain. Virgil Hunter? Ouais, c'est ça. Allez, je mets point 2. Même entraîneur, ouais. Et Virgil Hunter, ouais, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de boxe, ouais. Gagnant d'ailleurs en 2011 le titre de meilleur entraîneur. Ouais, bon. Dans le top 3. T'en as parlé il y a deux émissions. Ouais, j'avais parlé. Ouais, mais dedans là. J'ai dit l'un des meilleurs entraîneurs. Après le Rome, il avait dit dans le top 3. Incroyable. Ouais. Donc, point pour Guillaume et point pour Anthony. Toujours boxe. Je sais que ça plaît pas aux boxeurs quand on dit ça, mais on va parler d'argent. Et notamment du Money Fight, évidemment, entre Mayweather et McGregor. Et on le sait donc, la somme d'argent récoltée par les deux hommes et par tous les acteurs de ce combat a été à la hauteur des promesses. comme le révélait donc vendredi Showtime, le diffuseur pardon, exclusif du combat. Combien cet événement a-t-il rapporté en tout d'argent? On va faire le tour de table. Putain. À tout le monde? Tous les acteurs. Je sais savoir télé mais... et les boxeurs. On parle aussi de la billetterie. Tu comptes les sponsors aussi ou pas? On parle aussi de la billetterie. Le merchandising, tout ce que tu veux. Ah, tu cumules tout? Tu cumules les sponsors aussi? Bah, ceux qui. Les places achetées, la télé, etc. D'accord. Ah, ça doit être énorme. Et les bourses des boxeurs, on est d'accord? Ouais. Oui. Non, mais je pense qu'on a les mêmes chiffres. Parce que les sponsors, c'est indépendant. Moi, j'ai pas entendu, mais. Ouais. Ah, j'ai commencé tout à l'heure, je vais dire. De l'autre côté, peut-être. Thibaut. J'ai un chiffre de base, moi, en tout cas. Ça va. Thibaut, Yacine. Ça va. Tente, Yacine. Je sais pas, j'ai la folie des grandeurs. Je dis juste que c'est en millions. Ah oui, millions. Ça, je partais vraiment sur des millions. Ouais. Bah, peut-être qu'on est parti sur des milliards. Tu sais quoi, Allez, les gars, s'il vous plaît, vite. 200 millions. 200 millions. Thibaut, peut-être. Un demi-milliard. Donc 500 millions. Allez, 550 millions. 550 millions. 800 millions. C'est moins, les gars. Je sais que les deux boxeurs ont touché quasiment 200 millions eux deux. Après, si tu rajoutes beaucoup de choses, à mon avis, ça doit être entre 500 millions et. Ouais, 500 millions, je dirais. 500 millions aussi. Sûrement plus, peut-être. À la louche. Je veux dire 650. Bah, point pour Anthony et Tim, puisque c'était 600 millions. Exactement. Ouais, c'était ça, ouais. Donc, vu qu'ils sont en égalité entre les deux. Ouais, donc, parce que tu comptes la billetterie là-dessus. Hein, ouais. Donc, point pour Tim et pour Anthony. 600 millions de dollars, ce qui fait tout simplement le deuxième événement organisé sur une journée, le plus rémunérateur de l'histoire, le record partenant, d'ailleurs à l'autre, Mayweather Pacquiao, en mai 2015, pour et le après, combat c'est du siècle. Oui, c'est de là où il y a et le troisième, Mayweather d'ailleurs, et le troisième c'est Mayweather également. Ouais, c'est ça, contre de là où il y a, qui était le meilleur des trois combats d'ailleurs. Question F1. Ah. Ah, oui. Quel record Esteban Ocon a-t-il amélioré pendant le GP d'Australie cette année? Au record du tour en qualif? Non. A-t-il amélioré, a-t-il eu en fait, tout simplement. Il a battu GP d'Australie. Juste essayer de penser quand arrive le GP d'Australie. Premier Grand Prix de l'année, ben, je sais pas, record de. La meilleure place pour un. Pour un jeune, ouais. Pour un jeune, ouais. Pour un Français. Préciser peut-être. Il a fait le top 6 pour un jeune, quoi. Non, ça, c'est pas loin. C'est le premier enchaîné. C'est le premier, mais à quoi? À dépasser peut-être 5 top 5. Non, c'est le plus jeune, pardon, c'est pas le premier. C'est le plus jeune à terminer dans les. Ouais, dans le 6. Dans les 6 premiers. La première ligne sur la grille. Non. Les gars. Podium. Non. C'est le plus jeune à avoir fait une Q1 en qualif. À terminer en deuxième ligne. C'est le premier à avoir fait 3 Q1 d'affilée. Non. Toujours pas. Personne. Vous y êtes presque, hein. Ouais, je pense que tu viens de le dire, j'ai tout cassé. Mais il vas-y. Est le plus jeune français à inscrire les points. Ouais, putain. Ah, au final, c'était simple, vous avez pris. Ouais. Vous avez plus élaboré. On est allé trop loin, ouais. Il a 20 ans. Il avait 20 ans à ce moment-là. Donc, ouais, le plus jeune français à inscrire les points. C'est ça. Ouais, début. Rapidité. Si j'ai pas le rhum, je le mets, celle-là. Ouais. Qui a dit. J'étais curieux de voir ce qu'il allait faire en MotoGP parce que l'année dernière, quand je travaillais avec Franco Morbidelli, il me disait toujours Rossi. Valentino Rossi. Ah ouais. Il me disait toujours qu'il avait fait des choses spéciales en Moto 2, surtout dans les 10 derniers tours. Il m'avait également prévenu, fais attention, il sera rapide. Je m'attendais donc à ce que Zarco soit fort, mais pas à ce point. Pendant les essais hivernaux, il était mon cauchemar parce qu'il était toujours devant moi. Il a commis une faute par manque d'expérience, mais cela reste une belle performance. Il parle de qui là? Donc Valentino Rossi qui parle de Johann Zarco, le français. Ah, Zarco, ouais. C'était très bon. C'était le même week-end d'ailleurs que Ocon a marqué ses points. Ocon a marqué ses points. Ouais. Donc voilà, point pour Yacine. Bon week-end pour les Français, pour une fois. Allez. F1, tour de table. Lewis Hamilton est devenu recordman de pole position cette année. Combien de pole? Je vous donne juste un petit indice, il a fait 206 courses en tout. Donc combien de pole? Attends, sur toute sa carrière tu veux dire? Oui. Okay. Et dans l'histoire donc. Ok. Il bat Michael Schumacher cette année. Ouais, ouais. Sur une année. Ouais, du coup. Je peux me lancer en premier? Non, sur toute sa carrière. Ah, sur toute sa carrière, d'accord. Ouais, toute la carrière. Après, je vais tenter un truc gros. Hein. Sur 206 courses. T'as là, t'as une énorme HD en plus sur 206 courses. Voilà. J'ai pole position 157. Oula. Il sort le 57 en boost. Ça veut dire qu'il a plus de 70% de pole. Qu'il est... Non, c'est, pas beau. C'est trop ça, par combien contre. 112. Ouais, je dis un truc comme ça. Les 67. 67. 103. 103. Ah putain. J'allais dire 105, mais bon. Bon, allez, 105. Je veux dire 115. 115 ? Non. C'est donc le plus proche, c'est Anthony. C'est, vous l'avez vu un peu trop beau quand même. Ouais. 72 pole position. Ah oui. Avec 35% de pole devant Schumacher et Ayrton Senna. Mon Yacine qui sort. 157. C'est crédible le 57. On s'est dit peut-être dans la connaître. Quoi. Lewis, oui. Donc voilà, on va enchaîner parce qu'on va être en retard sinon. Le hand. Après le match d'hier, donc des filles, combien l'équipe de France féminine a fait un tour de table ? A-t-elle gagné de titres JO, champion du monde, championnat du monde et Coupe d'Europe ? Accumulé 5 6 5 6 6 Ouais bah 6 mais ça doit être 5 ouais. 5 Bah 5 ouais 4 Bravo 3, 3. Qui c'est qui a dit 3 Moi Ouna C'est 4 parce que c'est 2 en fait. Ils ont gagné que 2 titres, 2 championnats du monde. D'accord. En 2003 et là, ah ouais, et là hier. Moi j'étais persuadé qu'ils avaient gagné un championnat d'Europe. 3 fois vice-championne du monde également, 3 fois médaille de bronze en Coupe d'Europe et médaille d'argent au JO de Rio en 2016. Ouais, donc ils ont gagné que 2 titres. Donc c'est Anthony qui marque encore les points. Box, qui suis-je ? Né le 10 juillet 1990, je suis déjà champion junior de mon pays à 15 ans. Je passe professionnel avec, après seulement 20 combats en amateur. Mon premier combat est une réussite puisque je bats Abraham Gonzalez. Mon bilan est d'ailleurs impressionnant. Sur 52 combats, il y a 49 victoires, dont 34 par KO. 2 matchs nuls, pardon, dont mon dernier combat en 2017 et une défaite à Las Vegas face au champion de ma catégorie. J'ai été notamment champion du monde des poids moyens WBC, mais aussi Super Welter WBC et WBO. Je suis mexicain. Canelo Alvarez. J'ai mis du temps. Hein. Du temps. Mais en fait, j'ai pas entendu la date de naissance. On me surnomme El Canelo en référence à mes cheveux roux. Je suis Canelo Alvarez. Ouais. Donc, point pour Guillaume. Ouais, des meilleurs boxeurs de l'année. Sur ce coup-là. En dernière question des sports, des autres sports. Ah, top 5, oui. Top 3. Même. Quel Montpellierin est dans l'équipe type de Ligue des Champions édition 2016-2017? Fabregas. Qui c'est qui l'a dit? Fabregas. Les deux avec Fabregas, meilleur pivot de la compétition. Point pour Thibaut en même temps. Voilà, c'était la dernière. On va tout de suite enchaîner sur la parole auto-chiller, ce qu'on va faire très rapide parce qu'on est vraiment en retard sur ce coup-là. D'ailleurs, Sylvain n'est pas là, donc il n'y a qu'une parole auto-chiller. C'est moi. Et je t'en prie. Bah écoutez. C'était Esteban Ocon. Ouais, c'est ça. Après beaucoup de coups de gueule durant l'année, lui, je trouve qu'il y a vraiment une petite différence par rapport aux autres Français. D'une part, dans la mentalité et l'ambition. Je trouve vraiment que ce mec-là, je me suis un petit peu renseigné sur lui. Avant qu'il arrive en F1 naturellement, et ça m'a pas surpris en fait. J'ai toujours senti que c'était un mec vraiment passionné par la voiture, tout ça. Il a pas une famille de grands spécialistes de grands passionnés aussi d'automobile, et on sent dès le début, quand on s'intéresse un petit peu à ce garçon et sa carrière en jeune, on sent vraiment un mec vraiment passionné par ça, et ça m'étonne pas qu'il arrive en F1 et qu'il soit aussi déterminé, ambitieux. Il l'a montré dès la première année, donc ça, je trouve que c'est déjà fort. Il a eu une voiture qui était assez bonne et qui lui a fait confiance. Naturellement, ils ont fait un bon choix, Force India, cette année, en sélectionnant ce jeune Français. Mais dès la première année, je veux dire, il a montré beaucoup d'ambition et beaucoup de détermination. Et en fait, surtout, il n'a pas eu peur de vite gravir les échelons. Il a vite progressé dans ce milieu-là qui est difficile, parce que la F1, c'est quand même très différent par rapport aux autres sports automobiles. Il y a une pression particulière, il y a une voiture aussi très différente par rapport aux autres, donc c'est jamais simple une première année en F1. Souvent, même les meilleurs d'ailleurs, si on cite les grands champions du monde, tous ont eu du mal lors de cette première année. Et lui, contrairement à beaucoup d'autres, a vraiment montré énormément d'ambition et moins de pression que les autres, et il m'a impressionné en faisant beaucoup de très bons grands prix, beaucoup de bonnes qualifs aussi. Il a en gros tourné entre les 6e et 8e place sur chaque Grand Prix, donc c'est quand même une grande performance pour une première année à 20 ans, comme tu as dit. Donc voilà, moi il m'a vraiment très intéressé. C'est rare qu'un Français en F1 ces dernières années attire autant l'attention, et lui il l'a fait parce qu'il a... Ouais, exactement, j'allais faire la comparaison. Grosjean n'a jamais fait de 8e place en général depuis qu'il est en F1. Lui, dès la première année, a réussi à le faire, donc ça c'est beau. Et puis en plus, forcément, sa meilleure voiture d'ailleurs. Non, parce qu'en plus la Lotus de Grosjean les premières années était assez bonne. Oui, c'est pour ça. Comme la Force India l'est aussi, mais voilà, Ocon a montré vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie. Il a Enfin, il dégage vraiment une espèce de sérénité. Et intrinsèquement, on sent qu'il a du talent. Il a beaucoup de talent, il est très ambitieux sur ses courses aussi. Il tente beaucoup de dépassements. On sent vraiment un garçon qui a faim, qui est passionné par ça et qui a envie de très vite réussir et progresser. Et ça, c'est vraiment c'est intéressant pour un Français, c'est appréciable. Et puis voilà, cette 8e place au classement général prouve qu'il a fait une très belle saison pour ses 20 ans. Quoi. Donc bravo. Ok, très bien. Je suis désolé, on peut pas parler un peu dessus puisqu'on est en retard, mais on en reparlera de toute façon de lui. Je pense. Sûrement, je suis confiant pour l'année prochaine. Aussi, prochaine. Ouais. On va passer tout de suite au Jingle Foot. Si oh et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que non, que les autres. Que... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage. Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif, hein, c'est très notable. Il attention par-dessus. Non, c'est pas possible. Et en face, c'est Paris Rhône, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Non. Et pour la première fois depuis 60 ans, l'Italie va manquer une Coupe du Monde. Ballon d'or France Football 2017 et Cristiano Ronaldo. La parole est au chiller. Voilà, on va terminer par le football. Et là, il y a plusieurs. C'est un quiz seulement de 15 minutes. On fera pas de parole au Chillers pour le football. Et on a fait des équipes, hein, car tout le monde est là. Et d'ailleurs, Sylvain nous a rejoint pour le football, au meilleur moment d'ailleurs. Et on va commencer tout de suite par la partie 1, c'est la partie des questions rapides. On pourra avoir notre petite musique pour le dernier quiz. On va commencer avec. Merci. On va commencer avec la Coupe des Confédérations. Oula. Ouais, je vais sortir. Mais... Rapidité. Il y en a qu'un qui parle par équipe, je le rappelle, d'accord ? Qui a été désigné meilleur joueur de la Coupe des Confédérations ? Draxler, on va accorder les points aux deux. Du coup, c'est. Dites-moi donc Dimitri, Thibaut. Vous jouez ensemble, du coup. Hein. Thibaut, Dimitri. Et Vincent, Yassine. Euro féminin, où s'est déroulé l'Euro féminin? Pays-Bas. Yacine, Pays-Bas. Mais nous réfléchissons. Avec la victoire des Pays-Bas d'ailleurs, la France s'est fait sortir en quart contre l'Angleterre. Ouais. Alors là, ça va être une question plus longue. Je compte sur Thibaut. Parce que. Ligue 1. Rapidité. L'AS Monaco a battu plusieurs records cette année. L'année dernière, pardon, en Ligue 1. Lesquels? Nombre de buts. Plus nombreux. La différence. Nombre de points en général aussi. Meilleure défense. Non. Nombre de buts. Les gars, c'est plus élaboré que ça quand même. Nombre de buts. La série de victoires en Ligue 1. Attends. Je vais continuer. C'est la ça. Plus grosse série de victoires en Ligue 1 qu'ils ont fait. Ils ont fait 17 victoires d'affilée ou quelque chose comme ça. Ouais, je l'accorde. Nombre de victoires à l'extérieur, peut-être. Attends. Nombre de victoires consécutives, 16 victoires sur une saison, 12 victoires. Donc un. Il y en a plusieurs autres. Hein, vous inquiétez pas. Donc je mets juste les points sur Dimitri. Et Thibaut, le nombre de matchs d'affilée a marqué un but. C'est ça. Joli. Plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins un but marqué sur une saison. 32 matchs. Le nombre de buts marqués à domicile sur une saison. Non. Le nombre de meilleurs buteurs dans le classement. Non. Flo. Non. Pas record de transfert. Attendez, non plus. Je regarde un peu ce qui me reste. Nombre de victoires sans avoir encaissé de but dans une saison. La moyenne d'âge. Nombre de clean sheet. Il y en a un très facile. Le plus grand nombre de clean sheet. Non, il y en a un très facile. Record d'affluence à Louis II. Non. Non. 5000 personnes. Le plus jeune joueur à marquer. Okay. Non. Si tu veux parler, parle dans le micro, on t'en parle pas trop sinon. Il y en a peut-être deux faciles, on va dire. Vous savez pas. Plus grand nombre de victoires, plus grand nombre de points acquis à domicile sur une saison, avec 52 points. Ouais, putain. Et plus grand nombre de victoires sur une saison, tout simplement. Et qui c'est qui avait dit plus grand nombre de victoires d'ailleurs? C'est moi. Ouais, c'est toi. Donc point pour Guillaume, Tim et Sylvain. Et Sylvain, désolé pour un. Il faut que je marque les points, je suis un peu long. Non, question Ligue 1. Rapidité. Parmi les 100 footballeurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue 1, quels sont les deux seuls joueurs à encore jouer actuellement en Ligue 1? Nivet, non. Je joue plus. Oh, il est dur, ça. Il joue Nivet encore. Plus de quad. Balmont. Les 100 footballeurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue 1. Balmont, ouais. Nivet doit pas y être. Carasso. Balmont avec 461 matchs et qui joue encore avec Mandanda. Mandanda. Non. Non. Hilton. Non. Camara. Non. Ça va. Qui c'est qui a dit ballon d'ailleurs? Dimitri. Dimitri et Thibaut. Il joue plus. Mariano. Ouna. Il joue actuellement à Guingamp. Brian. Ah, Dido. Dido. Je l'avais dit au mental. Etienne Dido avec 406 matchs. Putain, merde. Avec Max. Elle est belle celle-là. Il va la rafler. Guillaume, Sylvain et Chima. Il va la chercher au mental celui-là. D'ailleurs, petite question bonus. Qui est celui qui a le plus de matchs en Ligue 1? Dans l'histoire? Qui a le plus de matchs en Ligue 1 dans l'histoire? Putain, je sais. Landreau. Landreau. Ouais, avec 610 matchs. Il compte pas celui-là, il compte pas. Si, si. Il compte, il est beau, il est beau. Il devance un autre gardien. Oui, et Toric qui avait 602 matchs. Ouais. Bon, Jean-Luc. Là. Donc, Mickaël Landreau, point pour. Guillaume et Thibaut. Non, Théo, pardon. Sylvain. Et Anthony. Les gars, dites-moi, sinon je vais être lent. Ligue des champions féminine. L'Olympique lyonnais a gagné sa 4ème Ligue des champions face au PSG cette année. Elle rejoint un autre club à la tête du Palmeiras. Wolfsburg. Non. Francfort. Ouais. Oh, tu nous mets la saucisse. Vincent et Yacine. Je continue. Qui suis-je? Là, il y a deux qui suis-je. Rapidité. Né le 17 mars 1986, je suis né en Europe, mais pas dans l'Union Européenne. Je commence le football en 2003 dans mon pays avant de partir dans un club d'un pays voisin en 2005. Cependant, ce n'est pas dans des pays avec des gros clubs de niveau européen. Je rejoins cependant en 2007 un club allemand où je marque 85 buts avant de traverser la Manche en 2011. Pendant ce temps-là, avec la sélection, je finis meilleur buteur ex aequo avec Rooney dans la phase qualificative de la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde 2010. Non, c'est pas Lewandowski. Cependant, c'est bien la Coupe du Monde 2014 avec dans laquelle mon pays s'illustre, car c'est la première fois que mon pays est qualifié pour une compétition internationale. Gareth Bale. Non. En 2015, je pars dans un club de la capitale italienne. Mais c'est surtout en 2016. Dzeko. Mais c'est surtout en 2016-2017 que je m'exprime le mieux avec 39 buts sur 51 matchs, soit le 6ème meilleur marqueur de cette saison. On m'appelle Jaran Bosniak, je suis Edin Dzeko. Putain, celui-là il est si. C'était Anthony et Théo. T'es nul là. Non. Non, c'était moi et Vincent. C'était Yacine. Yacine et Vincent. Et Guillaume. Ouais, attends. C'était Yacine et Vincent, j'ai pas entendu. C'est pas la journée du fair play, mais bon. Bonjour. Qui suis-je? Un autre, né le 7 juin 1968, je faisais partie de ces joueurs qui sont nés dans un pays, mais qui jouent pour une autre sélection. Tim? Georges Best? Non, je fais partie. Ma carrière de joueur a été d'ailleurs rythmée par les clubs hispaniques, sauf en 2000, où j'ai dû parler portugais pendant un an. Après ma retraite en 2002, je me laisse 3 ans avant de commencer ma carrière d'entraîneur. D'abord à Colón en Argentine, puis à l'Universidad San Marin en Pérou. Je ne retrouve que l'Europe en 2014, où j'entraîne une belle équipe espagnole pendant seulement 12 matchs. Tata Martino. Alors je pars en Amérique, notamment en Amérique centrale, dans le club mexicain de León. Mais c'est en 2016 que ma carrière d'entraîneur décolle, Pochettino. Où j'entraîne pour la première fois une sélection. Après une Copa América et une finale. Juan Antonio Pizzi. Après une Copa América et une finale de Confédération. Sélectionneur du Chili et actuellement sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Il était corsé ce vieux. Ah, bien pimenté celle-là. Ouais, Yacine, ouais. Il était Vincent. Corsé cette question. Hein. Partie 2, c'est réponse tour de table, d'accord? Le Cameroun s'est imposé en finale de la CAN cette année. À combien de titres les champions d'Afrique sont-ils? Commence par la gauche. Tu prends tout là? On commence par la gauche. Dépêchez-vous. Combien de titres de champion d'Afrique? Ah, d'Afrique, voilà. Ok. Soyons clairs. Allez les gars, dépêchez-vous. 5. 5 pour Yacine et Vincent. 3. 4. 4. Allez, 4. C'était 5. Dans le dernier en 2002, seule l'Egypte possède un meilleur palmarès avec 7 titres. Ils ont fait 2000-2002. Le regard du tigre. Ligue 1. Toujours tour d'étape du coup. Sur 18 matchs, là je vous l'ai dit, vous avez dit les indices. Sur 18 matchs cette saison en 2017-2018, combien de fois l'Olympique de Marseille a joué le dimanche soir à 21h? Sur 18 fois ? Sur 18 matchs. Ouais, commence à gauche. Bon, ouais, je dirais. Allez les gars, on se dépêche. Pareil, c'est pas 12. 12. 11. 11. Ah bah. Vous pouvez dire pareil, hein. 11, ouais. 11. 10. Non, ouais, 14 fois, ils ont joué. 14 sur 18. Sur 18, sur 18 plus 2 fois le dimanche après-midi. Donc ils ont joué 16 fois le dimanche. C'est pipé, sur 18. Ça change la main de Bordeaux. Donc c'est qui a mis le plus proche sur la ligne éditoriale. C'est ça, ouais. Sylvain, Tapic a toujours une influence, Guillaume salut. Et Tima. Il va dire 13. Non, celui-là, ouais, Guillaume proches, et Tima. Ligue 1 toujours. 991 buts ont été marqués pendant la saison 2016-2017 de Ligue 1. Depuis quelle année avait-on marqué plus de 991 buts? Depuis quelle année ça n'avait pas été fait, tout simplement. Peut-être on va commencer là-bas. Pas par nous, ouais, vas-y. 70-71. Du coup, ça finit en 71. 74, allez. 74. 74-76. Du coup, après 76, c'est ouais. C'est vous, puisque c'est en 1983, ouais, avec 1090 buts. La moyenne la plus faible, c'était en 87-92 avec 796 buts seulement. Team Guillaume encore. J'allais chercher ce titre, c'est en plus. Hein. Guillaume et. Au mental. Et Sylvain est là. Sylvain, on Sylvain, c'est perso. Celle-là, je la fais pas sinon on est en retard. Sans le dire. Troisième partie, tour de table. Mais attention, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. Par groupe. Europa League, Manchester United. On va faire un tour de table. Hein, a gagné sa première C3, donc Europa League, en battant l'Ajax en finale 2-0. Mm-hmm. Manu rejoint le club très fermé des clubs ayant gagné à la fois la C1, la C2 et la C3. Ouais. Qui sont les autres clubs? On va faire rapidité. Ouais, il faut dire. On va faire rapidité. On va faire rapidité. Le nom des clubs. Le nom des clubs. Ah, On va faire rapidité le nom des clubs. Valence. Non. Porto. Non. Juve. Liverpool. Juve. Barça. Ajax. Barça, ouais. Ajax. Ajax. Le Barça. Il y a combien de clubs? Liverpool, non. Le Barça, non. Florian, Liverpool, non. Non. Benfica. Non, Valence, non, il n'est pas dit. Non. Celtic. Celtic. Chelsea. Non. Chelsea. De Bayern 2-1 pour l'instant. Ah, sa mère. Putain, le Bayern 2-2. C'était seulement cela. Oh, Bayern. Ah non, il en manque un. Celtic. Celui qui l'a. Benfica. Entre les deux, il en manque un. Ah. Porto. Dortmund. Non, il y a entre les deux là seulement parce que c'est eux qui vont départager. Quoi, monsieur? Ils ont déjà 2-2. Bayern, Juventus, Chelsea, il en manque un. Inter. Milan. Non, c'est impossible. Non, sinon je l'aurais dit en premier. Dépêchez-vous. Je t'ai vu à Bucarest. Allez. Non, l'Ajax. On l'avait dit. On l'a dit. Putain, on l'a dit. Ça fait 2-2. Ça fait 2-2-1 du coup. Ah monsieur, c'est toujours enculé par l'arbitrage. Ouais, doucement. On entend. Il y a des jeunes. Allez, écoute. On s'en fout, bordel, qu'ils grandissent. Yacine 2. Roméier, quelle est? Team 1. Vincent 2, ouais, Dimitri 2, Thibaut non, Guillaume 1. L'arbitre de Rennes Marseille qui est là. Ok, je vous enlève 20 points à l'équipe à droite. Ça c'est fait. Chaque semaine on se fait avoir. Théo 2. Oh, il est sous l'arbitre, on va te mettre Vénès, tu vas voir. Il y a toujours les gros qui sont avantagés là. Le PLM là. Les gars, s'il vous plaît. Ligue des Champions. Le Real s'est imposé. Tour de table, mais une seule réponse possible. Le Real s'est imposé et garde son titre de champion d'Europe. Quelque chose de rare dans l'histoire de la Ligue des Champions. Qui sont les autres clubs à avoir réussi cet exploit? On va faire chacun tour de table. Le premier qui n'a pas bon est éliminé. Vous commencez à gauche. Qui a conservé son titre en Ligue des Champions? Oui. Le Milan. Le Milan 89-90. Ajax. Heureusement que vous m'écoutez. Le Bayern. Le Bayern 74-75-76. L'Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam. 72-73. Je l'avais. Hein. Voilà. Il en a toujours. Attends. Bayern. Le Bayern. C'était dit, non. J'ai dit. Il en reste. Benfica. Je le deuxième. Non, c'est à leur tour. 1. Tu crois? 2. Barcelone. Non. Non. Non. Barcelone, non. C'est lui éliminé. Je crois. Il y a Nottingham Forest. Nottingham Forest, 79-80. A vous. Ah, mais c'est dur. Oh la vache. Attends. Il y arrive. Dortmund. Non. Dortmund éliminé. Je sais pas. Benfica. Benfica 61-62. Ah ouais, oui, voilà. Du coup, on passe là. Il y en a encore ? Oui. Il en manque encore deux. Allez, dépêchez-vous là, on est vraiment en retard, les gars. Un bougeable de l'arbitrage. L'Inter. L'Inter Milan 64-67. Ah, oh. Le dernier, si vous l'avez, on vous partage les points. Attends. Dépêchez-vous, allez. Tentez. Je pense à Mouchengaba, non ? Non. C'est quoi ? Liverpool. Liverpool. 77-78. Point pour Yacine et Vincent. On l'a dit, ben on l'a dit. Ouais. Du coup, Yacine, point et Vincent, point. Dernière question. On refait un tour de table, on va commencer par la droite cette fois-ci. Nous avons vu donc des grands matchs entre le Barcelone et le PSG cette année. Mais moi, je vais revenir en 2013. Le premier match, la confrontation entre le Barça et le PSG sous l'ère Qatari. Et donc Paris se fait sortir par le Barça par rapport au but à l'extérieur. Mais donc le match allait le 2 avril 2013. Se termine par un 2 partout au Parc des Princes. Quelle est l'équipe type ? Allez, on va faire que Paris. Quelle est l'équipe type de Paris ? Vous commencez. Un chacun. 2013. 2013. On fait un joueur, je passe après. Pastore. Pastore. C'est bon. Ibra. Ibrahimovic, c'est bon. Blaise Matuidi, c'est bon. Thiago Silva. Éliminé. Allez hop, ça dégage. Eh ben. Sirigu. Ah bah il fallait. Ah putain, il le fait que Verratti. Verratti, non. Éliminé. Il prend la parole, putain. Quoi ? Il a dit que toi. Ezekiel l'avait dit. Ouais, celui-là. Matuidi. On l'a dit, mais. On l'a dit, Matuidi. Je te laisse une autre chance. En plus, j'en avais plus. J'allais. Ah, mais... Qui est-ce qui reste ? C'est là aussi, là-bas. C'est Vicky en charnière. Dépêchez-vous. Maxwell. Oh, ah, celui, putain. J'ai entendu sécher. Il en reste 3. Je vous aide, 2 défenseurs et un milieu. Ouais. Qu'est-ce qui est un défenseur ? Allez, les gars, dépêchez-vous. Alex, le défenseur brésilien. Alex. Je l'avais en plus. Thiago Silva aussi, tu l'avais. C'était qui l'autre ? Si, il l'avait au début, je crois. Dépêchez-vous. On va vous en faire parce qu'on nous a entendu. Non. Allez, ça triche à droite. On tente. Ça triche encore. Il risque de mettre 20. Tentez quelque chose. Thiago Motta. Ouais, j'en étais sûr. Ils l'ont déjà dit, Thiago Motta. Mais oui. Ah bon bah, si, ils ont dit Thiago Motta. Bon, bah. C'était là Thiago, c'était Thiago Silva tout simplement. Et voilà. Et le dernier. Attends, ils avaient dit. Non, ils avaient dit Thiago Motta. Non, je dis Thiago Silva. Ils ont dit Thiago Silva parce que nous, je ne peux pas le dire. Les gars, je peux pas revenir en avant, je suis désolé. En plus, j'allais dire Alexandre. Yacine, alors l'arbitrage. D'ailleurs, il en restait. Finally, no goal. Pour une fois que l'arbitrage. Donc, il manque un milieu. D'ailleurs, il en restait 2. J'ai oublié Lucas et David Beckham. David Beckham. Non, c'est pas prêt. Je vous laisse quand même le point. David Beckham. Putain, il est titulé. Titulaire. Ah oui, au parc. Oui. D'ailleurs, oui, Gamero, Verratti et Ménès sont rentrés. J'étais pas sûr. Guillaume. Putain, c'est dur, c'est la vie. Tim. David Beckham pouvait venir chercher. Et Guillaume, Tim. Sylvain, surtout. Sylvain. Le super. Voilà, c'est terminé. Je vais calculer. Peut-être faire des remerciements. Pendant que je calcule, peut-être Guillaume. Merci à tous de nous avoir écoutés tout au long de l'année. Et puis, on sera encore meilleur en janvier, je suis sûr. Et puis, merci à Florian d'avoir envoyé des cadeaux pour le titre que je vais avoir ce soir. Là, c'est le travail de longue haleine. J'ai beaucoup perdu dans ces quiz. Et puis, là, t'as encore beaucoup perdu ce soir. C'est une congratulation. Merci à Flo pour l'organisation des quiz et tout aussi. Je suis bien rebondi. Surtout, c'est donné du mal. Merci à tout le monde, finalement, les équipes techniques, nos amis. Merci à mon Tom, toujours avec cette voix suave. Merci au Chiller qui nous régale toujours au platine. Et puis, Flo qui a le mental de nous soutenir. Merci à Tom de nous soutenir et nous supporter surtout. Alors. Pour le foot, c'est Yacine et Vincent qui gagnent avec 9 points sur ce normal. Sylvain, Guillaume et Tim ont 6 points. Dimitri et Thibaut ont 4 points, tout beaucoup comme Théo et Anthony qui ont 4 points également. Voilà. C'est vrai quoi. Ouais, avec qui fait bon maison, classement, au classement total final, sans surprise, avec 10 points en tennis, 7 points en cyclisme et 9 points en football. C'est Vincent qui gagne avec 26 points total. Il a fait un quiz en plus, ce qui est bon, c'est que c'est le moins sportif de la bande qui gagne. Quoi. Il a fait 26 points en tout, alors qu'il a fait deux fois deux trucs comme les autres. Il n'a pas fait 3 d'ailleurs. Enfin, il n'y en a pas fait 4 par certains, on en fait 4. Ah ouais. Donc voilà. Ah, c'est dur. Ouais. Donc on va terminer là-dessus. Non, il est 20h59. Je suis combien, moi? Je sais pas, j'ai pas le temps de calculer tout le monde. Dis-moi 2, s'il te plaît. Médaille d'argent. On va dire ça, on va dire 2, tes médailles d'argent. Ah, bravo. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine. Le 8 janvier, si je me trompe pas. On parlera notamment de sport d'hiver. Là, on n'a pas parlé, mais on parlera notamment de sport d'hiver la prochaine fois. Donc, on vous remercie tout au long de l'année. Et puis, on se retrouve à l'année prochaine pour Sport & Chill. Allez, salut à tous. Passez bonne fête. Allez, bonnes vacances. Doucement sur la bûche. Enchaînez le foie gras. Antoine Bottiron, j'ai 43 ans. Je pense avoir toutes les qualités requises pour faire un bon papa Noël. J'ai été diplômé d'Harvard. Suivant. Radio Campus Montpellier. Faut jamais oublier, hein. Un chômeur, il est victime de sa situation. 102.2. Il n'a pas choisi d'être au chômage, un chômeur.